Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je m'appelle François Marginat, je serai avec vous pour les prochaines deux heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes rendus à la 174e émission de L'Autre Monde et c'est l'édition du 28 février 2011, alors le dernier jour du mois. Cette semaine, mes chers amis, nous allons parler de différentes affaires. Nous allons en premier lieu parler d'économie. Ça fait longtemps qu'on doit en parler. Alors, j'ai même écrit un article la semaine passée qui s'appelle « L'inflation, cette taxe cachée ». Alors, je vous invite à aller découvrir cet article sur les Nouvelles internationales. Ça a été aussi publié sur les sites du Québec et sur le journal Le Citoyen québécois. Le sans-papier. Alors, allez voir ça. Et puis, c'est ça. Le premier tronçon, ça va être de l'économie. Ça va être des nouvelles de l'économie mondiale. Et puis, après ça, on va faire un bon topo sur les révolutions qui ont lieu dans le monde. Alors, déjà, ces deux sujets-là sont assez costauds. Donc, on va voir où cela va nous mener dans le temps. Et puis après, s'il nous reste du temps, eh bien, on abordera un peu la question du refroidissement climatique. Alors, ça aussi, c'est tout un sujet, donc éventuellement, il va falloir lui consacrer pas mal de temps. Donc, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. Ça va être un dossier qu'il va falloir, à un moment donné, accrocher, puis passer au travers. Donc, voilà, la table est mise. Nous allons commencer, comme je disais, avec l'économie. Et puis, on va parler d'inflation. Ça fait quelques semaines, c'est pas quelques mois, qu'on en parle de plus en plus, même dans les médias. Je vous avais averti aussi de cette situation-là il y a plusieurs semaines, c'est pas plusieurs mois. Et puis, ça commence à se faire ressentir. Et puis, si vous pensiez que les déboires de l'économie avaient déjà assez affecté votre budget, eh bien, attendez de voir la suite. Attachez votre ceinture, chers auditeurs, car maintenant, une nouvelle donne commence à se faire sentir. L'inflation. Puisque l'économie va de mal en pis, il est assez évident que l'inflation n'est pas principalement causée par l'emballement et la surchauffe de l'économie. Vous comprenez ça? Elle est plutôt un résultat direct et mécanique de la création démesurée d'argent par les banques centrales privées. De plus, cet argent entre dans l'économie en tant que dette, en tant que crédit, puisqu'il doit être remboursé avec intérêt en plus de cela. Donc, pour maintenir ce système de Ponzi, disons-le, c'est un système de Ponzi, on doit toujours créer plus de dettes pour le maintenir en vie. Cette présente crise économique n'est pas due à un manque de liquidité, mais bien par un problème de solvabilité. Vous allez voir d'ailleurs sur les sites du Québec, il y a eu une conversation qui a duré quand même assez longtemps. On est rendu au-dessus de 170 commentaires. Et j'ai intervenu beaucoup avec d'autres commentateurs aussi. Puis il y avait un certain monsieur MH. Vous allez voir si vous vous déplacez vers les salles du Québec. Et ça vaut la peine de lire le filet de nouvelles parce qu'on a pas mal fait le tour de la question. Il y a des personnes qui refusent de voir la réalité, mais je crois qu'on a bien été établi qu'effectivement, l'inflation, c'est une forme de taxe. Disons-le, c'est une forme de taxe qui finalement enrichit tout le temps la même classe de banquiers privés internationaux et puis qui finalement finit aussi par appauvrir la population, la classe moyenne et les affamés. Donc, vous allez voir ça, vous allez voir qu'il n'y a pas seulement que les gouvernements qui s'enfoncent dans la dette tellement profondément qu'il sera simplement impossible d'arriver à la rembourser. Les particuliers doivent de plus en plus d'argent sur leur carte de crédit qu'ils utilisent régulièrement maintenant pour arriver à joindre les deux bouts. Et même mettre de la nourriture sur la table et pour aller au travail, donc mettre de l'essence dans la voiture, s'ils ont la chance d'en avoir un travail, disons-le. Les dettes accumulées sur les cartes de crédit représentent maintenant jusqu'à 15% des revenus familiaux moyens. La moyenne de la dette due sur les cartes de crédit en 1980 était de 670 $. Elle est maintenant de 7 800 $. Ainsi, les plans de sauvetage et les phases d'assouplissement quantitatif, hein, ces fameux assouplissements quantitatifs, alors on rouvre la machine à imprimer à la Banque centrale et cela ne fait que contribuer qu'à amplifier la masse monétaire, diminuant ainsi la valeur relative de chaque unité d'échange. De cette façon, il faut débourser plus de cet argent dévalué pour acheter les mêmes biens. La spéculation et d'autres facteurs entrent certainement en jeu, mais en fin de compte, l'inflation est une forme de taxation insidieuse et cachée dans les prix de consommation. Ceux qui collectent les dividendes de cette taxe sont évidemment les banquiers privés. Et la solution privilégiée pour combattre cette inflation est de monter les taux d'intérêt, ce qui profite également aux banquiers privés. On se demande ensuite pourquoi ce sont les banques qui possèdent les plus hauts et les plus luxueux édifices dans les centres-villes de la planète entière. Puisqu'on dit que la chance favorise les esprits préparés, il serait peut-être nécessaire d'observer les multiples signes d'une grave inflation qui s'installe et qui risque de sévir dans les temps à venir et s'y préparer en conséquence. C'est de quoi qui devrait prendre forme d'ici les prochains mois et commencer vraiment à frapper assez fort cet été et puis voir finalement l'accomplissement total, le résultat de cette peut-être même hyperinflation cet automne. Alors réellement, là, regardez ça, les prix des grains qui va augmenter beaucoup, le prix des textiles, alors le coton, les trucs du genre, le pétrole aussi. Vous avez vu le pétrole augmenter énormément ces dernières semaines. Alors, c'est que le prix du pétrole et de l'énergie est concerné, ainsi que celui de la nourriture qui s'enflamme, sans compter d'autres produits de base, comme je disais, le coton et ainsi de suite. Alors, vous avez un portrait qui a été dressé de la situation. Allez voir ça. Je vais quand même vous en énumérer quelques-uns parce que ça vaut la peine. Vous avez le prix du baril de pétrole brut qui vient d'atteindre son plus haut point depuis 2 ans. Au début janvier, il avait passé la barre des 90 $ le baril. Aujourd'hui, moins de 3 mois plus tard, le baril atteint les plus de 100 $ et même 110 $ l'unité, le baril donc. Le Brent Crude a fermé la journée de lundi passé à 105 $ et 74 suite au soulèvement populaire au Moyen-Orient. Il a même atteint 108 $ et 70 le baril après la fermeture des marchés causée par les inquiétudes par rapport aux événements en Libye. Le prix du pétrole aux États-Unis a été gardé temporairement sous contrôle grâce à des surplus de réserves stratégiques de pétrole à Cushing, en Oklahoma, et a transigé à un peu plus de 90 $ le baril sur le New York Mercantile Exchange. Alors, les jours du baril de pétrole à plus de 100 $ sont de retour. Vous avez aussi Joe Petrovsky, le directeur général de la Gulf Oil and the Cumberland Gulf Group, a déclaré au réseau CNBC que le prix du pétrole brut pourrait atteindre les 150 $ le baril cet été. Depuis la création en 1970 du New York Cotton Exchange, le prix du coton a atteint un sommet historique en décembre 2010, un record en 140 ans. Vous avez aussi les chiffres publiés aux États-Unis par le US Bureau of Labor Statistics. Pour la première fois depuis 2008, les consommateurs sont frappés dans l'estomac par l'inflation. Les coûts de la nourriture augmentent et le pire est encore à venir. Les prix à l'épicerie ont gonflé de 50% plus rapidement que l'inflation générale cette dernière année. surpassé seulement que par les coûts de transport et par la santé. Les économistes prévoient que ce n'est que le début et gonflé par les coûts plus élevés du blé, maïs, le sucre, le soja et de l'énergie, les consommateurs pourraient voir leur facture augmenter de plus de 4% à la fin de l'année. Le marché du maïs est extrêmement serré aussi et des analystes s'attendent à des pénuries et une grande demande, ce qui devrait garder une pression à la hausse sur les prix du maïs en 2011. On recommande un rationnement de maïs disponible. Alors, voyons, on commence déjà à parler de rationnement. Toutes les évidences pointent vers une augmentation dramatique des prix de la nourriture à l'échelle mondiale, incluant possiblement des pénuries. Les froides températures de cet hiver et les pertes de récoltes n'aideront certainement pas. Alors là, oui, le refroidissement climatique. Le monde pourrait faire face à des soulèvements sociaux, incluant des manifestations en avril contre le prix à la hausse des grains, a soutenu Philippe Chalmin, un conseiller auprès. En fait, c'est Philippe Chalmin, un conseiller auprès du gouvernement français. Les dommages causés aux cultures par les inondations en Australie et les sécheresses en Argentine vont sans aucun doute gonfler les prix des grains au cours des prochains mois, a déclaré le professeur en économie à l'Université de Paris, Dauphine. D'ailleurs, il est à noter que ce sont en partie les prix de la nourriture qui ont allumé la mèche des révoltes en Algérie, en Tunisie ainsi qu'en Égypte. En fait, disons que ça a été l'élément déclencheur. Ensuite, ben écoutez, vous avez les gouvernements autoritaires aussi qui ont d'ailleurs commencé à emmagasiner des réserves de nourriture pour combattre la colère publique. Cependant, cette tactique ne pourrait qu'empirer la situation et pousser les prix en une spirale à la hausse, selon des analystes. Vous avez des gouvernements en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui ont récemment fait l'achat sur les marchés ouverts de larges quantités de nourriture. Comme par exemple, vous avez l'Algérie qui a acheté 800 000 tonnes de blé et l'Arabie Saoudite qui a acheté une réserve de blé de 12 mois. L'Égypte devrait suivre. Le Bangladesh a triplé ses intentions d'importation de riz et l'Indonésie a acheté 820 000 tonnes de riz thaïlandais. Ce n'est que le début de la panique d'achat, a déclaré Kerr Chong Yang, un analyste basé à Singapour. Selon le New York Times, la sérieuse sécheresse qui a sévi au nord de la Chine, région où le blé est produit, pose un danger sérieux à la sécurité alimentaire globale, spécialement dans le monde d'importation des nations en développement. Une alerte publiée par la Food and Agriculture Organization, la FAO, avertissait que plus des deux tiers des récoltes de blé de la Chine sont menacées par des précipitations substantiellement sous la normale cet hiver. Des vagues de froid dévastatrices au Mexique, les pires depuis 50 ans, ont anéanti de 80 à 100 % des récoltes qui fournissent normalement l'Amérique du Nord en produits frais tels que les haricots verts, les aubergines, concombres, courges, poivrons, asperges et tomates. Le Mexique et des distributeurs majeurs tels que la Sysco Corporation ont dû recourir à des importations provenant de l'extérieur du pays pour rencontrer leurs engagements commerciaux, mais ils ont récemment signalé que cela ne sera plus possible. Vous avez d'ailleurs ici la source, un document PDF qui a été émis par la compagnie même. Ces froides températures ont sérieusement endommagé les cultures de maïs dans la région du Sinaloa, au nord du pays, avec des pertes estimées à plus de 4 millions de tonnes de maïs. Plus de 400 000 hectares de récoltes ont été affectés par le froid et le gel, soit environ 16 % des récoltes annuelles mexicaines. Le prix du maïs sera d'autant plus affecté à la hausse que les importations chinoises devraient se multiplier par 9 selon les projections officielles. Comme le rapporte le Financial Times, les prix du maïs, et avec eux le prix de la viande, devraient exploser si les dernières estimations de l'importation en provenance de Chine sont correctes. La U.S. Grain Council, l'organisme de l'industrie de l'agriculture, a déclaré qu'il a reçu des informations montrant que les importations chinoises vont atteindre 9 millions de tonnes en 2011-2012, comparé à seulement 1,3 million en 2010-2011. En d'autres termes, toute la prévision d'équilibre entre l'offre et la demande est sur le point d'être déchirée en lambeaux. Le prix du maïs pourrait donc augmenter de 15 % cette année. Pour ceux qui pensent qu'il y a un quelconque espoir, même distant d'un répit dans la montée des sans fin des prix, nous vous suggérons de lire ce qui suit. Le plus de maïs que la Chine a importé dans l'histoire moderne est de 4,3 millions de tonnes en 1994-95 et 3 millions de tonnes en 1978-79. Pour la majorité des 50 dernières années, Beijing a été largement absente du marché international, la production intérieure ayant été suffisante pour répondre à la demande. Nous notons que la Chine pourrait devenir un importateur net de 25 millions de tonnes de maïs dès 2015, ont déclaré les cadres supérieurs de la Maison du commerce de Rabobank. La Floride est normalement un important producteur de fruits et légumes, mais ils ont eux aussi été frappés par de sévères froids et gels qui ont endommagé les cultures en décembre et janvier. Ils avaient alors eu recours à des achats de produits du Mexique pour assurer leurs engagements commerciaux. Mais comme on le sait maintenant, le Mexique n'est plus une option lui-même. Le sud-ouest américain est aussi aux prises avec les pires froids depuis 60 ans, détruisant des récoltes entières. Il a déjà été rapporté que certains supermarchés américains ont doublé, voire triplé le prix de certains produits frais tels que les légumes. Le distributeur Sysco Corporation a rapporté qu'il serait forcé de monter les prix des produits laitiers et de la viande, mettant de la pression à la hausse des produits fabriqués par les gens comme Kellogg's. Vous devez comprendre là, que le distributeur Sysco Corporation, c'est une des plus grosses compagnies de distribution de nourriture dans le monde. Okay? C'est pas un petit détail. C'est qu'ils ont des hausses de 10% et plus dans les prix de la production de la viande, des produits laitiers et des fruits de mer. L'inflation des prix de la nourriture constitue une inquiétude au niveau mondial. Une récente étude d'une agence de l'ONU a montré qu'ils ont atteint un niveau record en janvier et qu'ils ne s'amélioreront pas. On peut s'attendre à ce que ces coûts montants d'opérations et de production viennent heurter les consommateurs durant les prochaines semaines et prochains mois. Vous savez aussi le prix d'une série d'items de nourriture de base qui a augmenté de façon précipitée au début de l'année, affichant la plus haute hausse mensuelle depuis plus de 5 ans. Un autre coup dur pour les familles. L'inflation en Angleterre a sauté de 4 %, le double des prévisions initiales, et se dirige vers 5 % d'inflation rapidement selon l'index des prix au détail, le RPI. Vous savez, la Banque mondiale qui a publié un rapport aussi qui indique que les prix de la nourriture sont à des niveaux dangereux et pourraient contribuer à de l'instabilité politique, poussant des millions de personnes dans la pauvreté et faisant monter les coûts d'épicerie. Vous vous rappelez comment la bulle hypothécaire a rendu les banquiers riches, hein, et vous sans abri? Eh bien, il y a maintenant une nouvelle bulle, une bulle de la nourriture, qui rend les banquiers plus riches et qui vous fait mourir de faim. Comprenez-vous maintenant comment le monde fonctionne, chers auditeurs? Comprenez-vous pourquoi les Islandais ont viré leur gouvernement et mis en prison les banquiers criminels? Et pourquoi les Égyptiens et les autres pays de la région font de même? Alors, c'est un dossier très sérieux. Vous avez une quantité de liens importants à les consulter. Ça va être probablement une des affaires les plus chaudes, là, vraiment là, à vérifier et à suivre dans les prochains mois. Et vous avez un article ici pour complémenter ça, un article qui a été publié dans le Daily Mail. On parle d'un autre, justement, un coup dur pour les familles. Vous allez voir une charte dans cet article-là où on parle en Angleterre du prix de l'augmentation de différentes denrées alimentaires. Alors, on parle ici, vous avez des fusilis, alors les pâtes qui ont augmenté de 35%. Vous avez les choux-fleurs Tesco qui ont augmenté de 28%. Vous avez, par exemple, les baguettes qui ont augmenté de 25%, des sacs à thé, des poches de thé qui ont augmenté de 22%, les oranges plus 20% d'inflation. Et regardez ça. Le beurre salé, 17% d'augmentation. Le chocolat, 16%. Vous avez les tomates, 15%. Vous avez l'huile végétale qui a augmenté de 14%. Donc, c'est ainsi de suite. Alors, allez voir ça. Vous avez le maïs, lui, qui a augmenté de 92% durant l'année qui vient de passer. Le blé, lui, a augmenté de 80% de son côté, alors que le café a augmenté de 70%. Les graines de soya ont augmenté de 56%. Et ainsi de suite. Alors, vous allez voir ça, c'est quand même assez radical. Vous avez les prix du pétrole, comme je vous disais, qui ont augmenté énormément. En fait, c'est 55% plus cher depuis un an. Alors, ça aussi, c'est de quoi, là, aux États-Unis qui fait extrêmement mal. Et un article qui a été publié cette semaine dans The Canadian Press, on essaye de nous faire avaler la pilule en nous disant pourquoi les prix élevés du pétrole pourraient en fait être bons pour le Canada. Alors, voyez, hein, on vous dit que finalement, le vent qui amène les prix élevés du pétrole, de l'essence à 1,20 $ le litre ici à travers le Canada, pourrait avoir des bons côtés pour le gouvernement. Alors, on est en train de nous dire que finalement, là, vous avez Ottawa et puis les provinces qui sont riches en pétrole ici au Canada, qui pourraient réaliser des bénéfices, hein, avec les prix élevés du pétrole. Alors, ça, c'est fantastique. Alors, on est vraiment content pour eux, pendant que vous allez payer énormément plus cher à la pompe pour remplir votre voiture d'essence. Alors, c'est vraiment, vraiment fantastique. Et puis, ça risque de ne pas aider avec la situation aussi au Moyen-Orient. Vous avez en Libye, il y a toutes sortes de développements dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. Et vous avez aussi, là, vous rappelez les États-Unis la semaine passée qui ont imposé leur droit de veto contre la condamnation des constructions sur les territoires militairement occupés de la Palestine par Israël. Alors, vous avez des gens qui ont été vraiment insultés de ça. Vous avez Ibrahim Sarsour, lui, qui a déclaré que le monde arabe devrait punir l'économie américaine après que les États-Unis ont imposé leur droit de veto au Conseil de sécurité, alors qu'on essaie de faire passer une résolution condamnant les constructions dans les territoires occupés militairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que peut-être qu'éventuellement, on va essayer de peut-être faire un certain embargo pétrolier contre les États-Unis. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, les prix arabes commencent à en avoir soupé des États-Unis. Hein? Donc, quand le litre va coûter 10 $, hein? Peut-être qu'à ce moment-là, les gens aux États-Unis vont commencer à se poser des sérieuses questions, à savoir peut-être pourquoi qu'Israël a placé Israël en priorité dans son agenda, au lieu de placer les Américains en priorité dans leur agenda. Hein? Donc, on fait passer d'autres nations en priorité avant sa propre nation. Donc, vous avez Donald Trump, ce riche aussi américain, lui qui a déclaré, qui a averti que on a peut-être un effondrement économique qui s'en vient. Alors ça, c'est une interview assez choquante, disons-le. Ces gens-là, normalement, là, essayent de ne pas trop alerter la population, mais lui a discuté de ça et d'un potentiel écroulement économique en Amérique. Donc, lui, il a même utilisé des phrases comme, et je cite, vous allez devoir payer 25 $ pour un pain, peut-être assez bientôt. Et on pourrait peut-être, et on risque de finir un peu comme un autre Égypte. Alors, ça, c'est M. Donald Trump qui a déclaré ça sur Newsmax et qui disait qu'il était vraiment inquiet de la direction que l'économie se dirigeait. Il faut quand même avouer que le monsieur a quand même eu un certain succès en business et qui, en quelque part, doit savoir un peu de quoi qu'il parle, n'est-ce pas? Comme étant un des hommes les plus importants. Les hommes d'affaires les plus importants en Amérique, il apparaît absolument horrifié à propos de ce qui tente de se passer dans la nation des États-Unis. Donc, ça, c'est un côté assez intéressant. Puis, il ne faut pas oublier non plus que de plus en plus, le dollar américain ne vaut plus rien. Et puis, vous avez une multitude de nations à travers la planète qui le savent et commencent à diversifier leurs réserves. Et aussi, écoutez, on commence même à parler d'adopter un nouveau panier de monnaie internationale pour remplacer le dollar américain comme monnaie d'échange internationale. Vous avez ici un économiste assez important en Chine, lui, qui a conseillé au pays de vendre ses 500 milliards de dollars, 500 milliards de dollars qu'ils détiennent de GSC, qu'on appelle. Alors, ce sont des investissements qu'ils ont. Sont en train de comprendre qu'avec les États-Unis, qui sont en train de faire de l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire on a ouvert les vannes de la création de la monnaie. Alors, on est en train de créer de la monnaie tellement qu'on double la masse monétaire en quelques années. Les Chinois savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le dollar américain ne va plus valoir quoi que ce soit très bientôt. Et on veut se débarrasser de ces beaux dollars et de ces bons du trésor et de tout ça. Donc, allez voir ça. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des government sponsored enterprises, les GSE, qui sont des groupes de services financiers corporatifs créés par le Congrès des États-Unis. Leur fonction est d'amplifier, si vous voulez, le flot de crédits qui sont ciblés par les secteurs d'emprunt, dont l'agriculture, les finances, de l'habitation et de l'éducation. Écoutez, ça, c'est des nouvelles très, très importantes aussi parce que là, on parle d'une dévaluation catastrophique du dollar américain dont je vous avais parlé il y a déjà au moins quelques semaines, c'est pas au-dessus d'un mois. Ensuite, vous avez, bon, ça aussi, c'est une autre affaire assez troublante. Ça a été révélé par différents médias, dont AFP. Vous avez le Stock Exchange ici de Toronto qui a été finalement joint. On a fait une fusion avec celui de Londres. Alors là, on est en train de se faire, si vous voulez, assimiler par les pouvoirs financiers de Londres. Alors les cités de Londres, qui sont le siège des banques internationaux, qui sont finalement, si vous voulez, oh, écoutez, là, on va pas faire là dans la théorie de conspiration ou quoi que ce soit là, mais qui sont ceux qui influencent la finance internationale de la façon la plus importante. et qui, disons, pour eux, sont ceux qui sont derrière le cœur, hein, de la création d'un gouvernement mondial, d'une certaine gouvernance mondiale, si vous voulez, à travers les systèmes financiers. Donc, on pourrait parler aussi du fameux nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial est avant tout financier. Alors, voilà que nous, on vient de perdre encore plus d'indépendance financière dans cette fusion. Ensuite, vous avez un article ici assez intéressant. Vous avez un bref tour des sept, ce qu'on appelle des choke points. Donc, si vous voulez, des points de contrôle, si vous voulez, des points où on a des zones assez chaudes, où ici on parle de où le pétrole transige, okay? Donc des points de transition très, très cruciaux dans l'économie du monde. Et vous avez une liste ici là, de différents points comme ça où seulement un blocus militaire pourrait avoir des conséquences, des effets très graves sur la distribution du pétrole dans le monde et surtout sur le prix auquel il se transige. Donc, allez voir ça. C'est quand même assez intéressant comme truc, là. Vous allez voir, il y a différents points comme ça dans le monde, là, qui sont très, très chauds et qui sont évidemment des cibles du contrôle. Ensuite, vous avez six chartes ici qui prouvent que les banques centrales, partout à travers le monde sont en train d'imprimer de l'argent de façon complètement irresponsable. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Vous allez voir différentes chartes ici, là. Vous avez le USM2, de la masse monétaire en milliards de dollars. Et puis, vous allez voir la charte qui part de 1980 jusqu'à 2010. Et vous allez voir à quel point, là, on est en train de gonfler la masse monétaire aux États-Unis. Alors, on avait quelque chose comme 2 trillions de dollars en 1980, et puis là, en 2010, on est rendu pas loin de 9 trillions de dollars. Alors, vous avez en 30 ans, on a plus de quadruplé la masse monétaire aux États-Unis. Alors, ça en est de l'imprimerie de l'argent, de la création de l'argent ex nihilo, c'est-à-dire sorti de nulle part. L'argent qui rentre dans le système, qui fait évidemment dévaluer fortement toute la monnaie, comme je parlais au début de l'émission, et qui a pour effet de créer une inflation terrible. Okay? Alors, vous allez voir ça. Vous avez une autre ici, une charte de la Banque d'Angleterre qui, elle aussi, imprime énormément d'argent. Alors, vous avez des chiffres qui partent de 1986 jusqu'à 2010. Et c'est la même affaire. Alors, on a là-bas, on a presque, attendez un petit peu, 6 fois, à peu près 6 fois la masse monétaire depuis 1986. Alors, vous avez la zone européenne aussi. Alors, on est parti en 1980 à environ 1 trillion de dollars. Et puis aujourd'hui, on n'est pas très loin du 10 trillions. Alors, ça, c'est quasiment 10 fois plus d'argent dans la masse monétaire européenne en 30 ans. Alors, vous voyez, au Japon, ben, c'est pas mieux non plus. C'est à peu près 10 fois plus en 30 ans aussi. Donc, la Chine, on a la même situation. On est parti juste à l'an 2000, tout juste 2 trillions de dollars. Et puis en 2010, alors 10 ans plus tard, on est passé le cap des 11 trillions. Alors, ça aussi, vous voyez là, la hausse fulgurante de la masse monétaire. Alors, on imprime de l'argent comme de l'eau partout. En Inde, ben, vous avez une autre affaire aussi. C'est à peu près en 1980, un petit peu, je regarde ça, d'à peu près 25 milliards de dollars. Puis, on est rendu à 350. Alors, regardez ça. Donc, vous avez toutes les sources officielles. Donc, c'est vraiment particulier, là. OK? Donc, vous comprenez, là, si vous avez une moitié de cerveau qui fonctionne, sans vouloir vous insulter, là, c'est juste pour rire, chers auditeurs. Mais écoutez, vous comprenez dans la direction dans laquelle on se dirige, hein? L'inflation qui va évidemment monter en spirale complètement hors de contrôle et on va être témoin d'une implosion financière sur une échelle globale. Donc, évidemment qu'on a un système monétaire, un système bancaire qui est contrôlé, qui est entre les mains de banquiers internationaux privés. Et puis, tant qu'on ne veut pas récupérer le principe de création de la monnaie, de battre la monnaie et de contrôler son inflation, de contrôler sa création, et au lieu de l'emprunter à quelqu'un, ben, l'emprunter à notre propre compte et puis se devoir les intérêts à nous-mêmes, ben, la situation ne va que s'empirer. Okay? Donc, vous avez au gouvernement américain et peut-être même une possibilité de voir le gouvernement être fermé selon des aides de Nancy Pelosi. Donc, pourquoi? Ben, parce que là, on a des problèmes pour essayer de trouver de l'argent. Donc, il faut monter les plafonds d'endettement, les limites qu'on a déjà. Le gouvernement est en train de manquer d'argent selon différentes sources gouvernementales. C'est pas assez incroyable. Ça fait le FMI qui a appelé, lui, pour une alternative au dollar américain. Ça a été publié sur CNN Money. Donc, vous voyez ici un rapport qui a été publié. Et on parle ici d'un possible remplacement pour le dollar avec, comme je vous disais, un panier de réserves de différentes monnaies internationales. En Angleterre, on a pour 80 milliards de dollars de valeur en fonds de pension qui a été tout simplement anéantie après que les taux d'inflation ont été sous-estimés pendant 12 ans. Alors, on a mal calculé notre affaire. Et puis là, ben, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 80 millions de dollars d'argent en valeur de fonds de pension qui vient de partir en fumée. Merci, bonjour. Alors, ça aussi, on en avait parlé énormément pendant toute l'automne. Okay? Les fonds de pension qui sont en train de disparaître aussi. Vous avez des banques en trouble qui sont au plus haut niveau en 18 ans aux États-Unis. On en a parlé aussi régulièrement de ça. Vous avez en 2010 un record qui a été atteint. Et vous savez, la Federal Deposit Insurance Corporation qui a déclaré la semaine passée que le nombre de banques qui avaient un problème et puis qui étaient sur ces listes a monté à 884. Alors, 884 banques aux États-Unis qui sont en trouble. Donc, vous voyez ça, c'est assez particulier, hein? Donc, vous savez, les taux d'intérêt aussi qui pourraient aussi déclencher un effondrement des prix des maisons aux États-Unis, selon le rapport. Donc, ça, c'est un rapport qui a été publié, et puis on en parle ici aussi dans un autre article du Canadian Press. Ça vise le Canada. Alors, un nouveau rapport ici qui prédit que le Canada, le marché de la maison, le marché immobilier au Canada, est probablement destiné à un effondrement. Et qui ne fait qu'attendre le déclenchement de la hausse des taux d'intérêt qui sont attendus pour plus tard cette année. Alors, ça aussi, là, ça va être de quoi qui va rattraper les gens. La réalité va revenir assez rapidement. Okay? Donc, vous avez le Capital Economics qui a calculé que le prix des maisons canadiennes pourrait chuter d'environ 25 % et même atteindre 35 % sur les 3 prochaines années, au fur et à mesure que la Banque du Canada va commencer à resserrer sa politique monétaire. Donc ça aussi, là, c'est pas de quoi qui est très joyeux. Vous avez plusieurs économistes qui s'attendent à ce que la Banque centrale va commencer au printemps et puis au début de l'été à monter ses taux d'intérêt centraux, ses taux directeurs. Et puis, on pourrait atteindre jusqu'à 3,5 % d'ici la fin de 2012. Alors, cela aurait des profondes implications sur la valeur des maisons et sur l'économie, a déclaré David Madani, qui lui est un chef économiste canadien de Capital Economics. Donc, évidemment, un effet énorme qui devrait avoir aussi sur les propriétaires de maisons, sur leur confiance. Ben, écoutez, ça aussi, c'est quelque chose là, qui risque de frapper de plein fouet le marché immobilier ici au Canada. Écoutez, là, on parle de 35 % de perte de valeur de maisons qui pourraient se produire d'ici les 3 prochaines années. N'est-ce pas assez incroyable? On pourrait parler des hypothèques à haut risque là, qui pourraient souffrir de pertes de plus de 10 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 10 % c'est en fait là, de défaut, hein, donc de défaut de payer sur son hypothèque. Donc, des nouvelles très importantes. Vous avez le premier ministre irlandais qui a demandé au Parlement d'être dissous. Alors, ça aussi, ça commence à rattraper la réalité de ces grands criminels économiques-là. Vous avez une crise économique dévastatrice en Irlande. Et vous avez des gens qui commencent à demander la dissolution du Parlement. On veut, écoutez, là, c'est évidemment une récession brutale qui est en train de forcer l'Irlande à prendre des prêts supplémentaires de 67,5 milliards d'euros, ce qui équivaut à peu près 92 milliards de dollars américains, du FMI comme étant un paquet si vous voulez, là, un deal de sauvetage. Alors évidemment que le public est extrêmement colérique et vraiment fâché après son gouvernement, de la façon que ce gouvernement a finalement pris, si vous voulez, pris soin de ses affaires et puis a la façon qu'ils ont traversé la crise économique. Alors, on veut évidemment dissoudre le gouvernement et puis renvoyer ces incapables à la maison. Donc, ça, c'est un dossier particulier. Puis, vous avez maintenant aussi en Islande, vous avez plus de 100 enquêtes qui sont ouvertes sur justement ces banquiers. Vous avez des instances spéciales qui ont été mises en place pour justement enquêter sur la banque, sur le système bancaire, sur la crise bancaire. Et vous avez à peu près une centaine de personnes qui sont sous enquête en ce moment. Donc, il est temps que justement on fasse la même affaire dans tous les autres pays occidentaux. Hein, l'Islande a exactement la meilleure idée. Les banquiers qui ont finalement fraudé le monde entier avec tout leur système financier devraient tout simplement croupir en prison, n'est-ce pas, pour avoir fait s'écrouler nos économies et puis pour avoir tout simplement vidé, volé la population en général. Ça fait d'ailleurs Bernard Madoff, lui qui est en prison, lui qui croupit lui aussi en prison, lui a déclaré il n'y a pas longtemps dans une interview de 2 heures qui savait, en fait que les banques savaient qu'il opérait un système, une fraude, un système de Ponzi. Alors, ça a été accordé au New York Times, une interview particulière, et puis justement qui vient prouver que justement ces banques-là, puis les hedge funds, étaient d'une certaine façon complices dans sa fraude élaborée. Alors, voilà une autre preuve que tout ce système financier est une corruption érigée en système. Vous avez le premier ministre grec, lui, qui a dénié les plans de vendre des trésors nationaux. Alors, on parle de des attractions touristiques comme l'Acropole, et puis vous avez différentes des îles. J'en avais déjà parlé aussi dans le passé. On est en train de parler de vendre des îles et puis des éléments de culture, si vous voulez, des éléments historiques en Grèce pour pouvoir rembourser la dette. Alors, lui, le premier ministre grec, a dénié ces plans-là. Mais je vous dis, on en parle ouvertement, on en parle aussi dans les milieux financiers, pas seulement qu'en Grèce, mais aux États-Unis aussi, en Angleterre, au Canada et ailleurs. Vous avez d'ailleurs la Bank of Conservation qui a été mise en place justement spécifiquement pour ça. Okay? Donc, pour prendre en collatéraux des territoires, des forêts et ainsi de suite. Vous savez, au Dakota du Nord, où on a découvert 3 à 4,3 milliards de barils de pétrole techniquement, si vous voulez, récupérables. Donc, ça, c'est 25 fois plus que les estimations de 1995. Alors, écoutez, là, 3 à 4,3 milliards de barils de pétrole, c'est énormément de pétrole. Ça risque justement d'ouvrir d'autres possibilités aux États-Unis au lieu peut-être d'acheter le pétrole au Moyen-Orient. Et au Brésil aussi, on a découvert des dépôts de pétrole sous les couches géologiques de celles au fond de l'océan Atlantique qui pourraient contenir plus de 123 milliards de barils de pétrole de réserve, plus du double des estimations du gouvernement selon une étude universitaire par un ancien géologiste qui s'appelait Petrolo Brasileiro. Alors, peut-être que les États-Unis vont devoir aussi maintenant envahir militairement le Brésil pour mettre la main là-dessus. Ironie, ironie. Israël qui a déclaré aux Arabes, tout votre pétrole nous appartient. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez des autorités qui ont donné la lumière verte à Noble Energy Corporation. De lâcher les nouvelles. Pourquoi? Ben, c'est qu'on a découvert avec des études d'exploitation qu'on a trouvé des quantités, des réserves énormes de gaz naturel dans la région et qui d'ailleurs gît aussi sous le territoire souverain de d'autres nations, dont la Palestine et le Liban, pour ne pas les nommer. Et puis, Israël ont décidé d'aller de l'avant pareil et de commencer à exploiter ces champs pétrolifères. Donc, Israël qui, évidemment, n'a aucune honte comme ça à mettre la main sur les ressources naturelles des autres pays. Hein? Ensuite, vous avez un article ici assez intéressant, les nouvelles, c'est-à-dire c'est les États-Unis qui ont prouvé des relations d'affaires avec des nations qui sont sur des listes noires. Alors, on a des comme ça, des embargos, hein, des sanctions qu'on lève contre certaines nations. Et dans la décennie passée, les États-Unis ont permis des compagnies américaines de faire des milliards de dollars de business avec l'Iran et d'autres pays qui sont sur des listes noires et comme étant des États qui soutiennent le terrorisme. Alors ça a été rapporté par The New York Times. Donc, vous avez des compagnies comme Kraft Foods et puis Pepsi qui sont aussi des compagnies qui ont eu des licences pour faire affaire avec des compagnies, des pays qui sont normalement sous sanctions économiques. Alors, voilà qui est particulier. Donc, on empêche les petites compagnies de faire affaire avec ces nations-là, mais les plus grosses ont des passe-droits. Alors, ça aussi, ça vous montre un peu comment l'économie, hein, le marché libre n'existe pas. Un autre article ici, le Baltic Dry Index, qui continue de se diriger vers le bas. Allez voir ça, on en parle régulièrement ici. Ça, c'est un indice assez important parce que c'est si vous voulez, le transport des différents matériaux, des sortes de produits qui transigent par cargo sur les océans. Alors ça donne une image assez claire de, si vous voulez, de la quantité de transactions commerciales qui se passent dans le monde. Et puis, vous allez voir que les indices sont en chute libre depuis le mois de juillet dernier. Alors, on a vraiment là descendu assez à pic, si on veut. Allez voir la charte, là, ça donne à rien d'en parler plus que ça. Sauf que, écoutez, là, on est descendu d'à peu près 400% là, je dirais quoi, une demi-année, une affaire comme ça. Vous avez aux États-Unis aussi les taux de chômage qui explosent. Vous avez les jeunes qui sont sans emploi. Vous avez en fait un jeune sur cinq qui n'a pas d'emploi. Donc, ça continue à sévir. Donc, ça, c'est selon The Office of National Statistic Data. Vous avez les 11 États ici qui sont les plus probables de faire défaut sur la dette d'ici les 5 prochaines années. Vous avez la Pennsylvanie, la Floride, l'Ohio, le Massachusetts, Rhode Island, New York, le Nevada, le New Jersey, Michigan et possiblement aussi en tête de liste la Californie puis l'Illinois. Donc, des États qui pourraient carrément faire faillite aux États-Unis. Donc, ça, c'est des nouvelles qui sont récurrentes. Vous avez Bloomberg qui a averti que vous avez 21 000 nouveaux professeurs qui pourraient être largués, alors mis à la porte. Alors, on a des coupures importantes, c'est de 1 million de dollars dans leur budget. Et puis, ça, c'est de quoi qui est en train de sévir assez sévèrement, disons-le, aux États-Unis, surtout au Wisconsin. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. Ils vont savoir des manifestations assez monstres aussi là-bas. Vous avez 21 000, donc 30% des professeurs de New York qui pourraient perdre leur travail. Alors, c'est quand même énorme, là. On parle de 21 000 professeurs ici, selon le maire Michael Bloomberg. Vous avez le prix des maisons aussi en 2010 qui est tombé à son plus bas depuis 47 ans. Ça vient du Commerce Department. On a publié des statistiques comme quoi que justement les ventes de maisons en 2010 ont baissé de 14,4%. Alors, c'est quand même énorme depuis l'année précédente, en 2009. Donc, c'était la cinquième année consécutive qu'on avait un déclin dans les ventes de maisons. Donc, voilà, c'est quand même assez particulier. On voit qu'il n'y a aucune reprise financière là-bas, ça, c'est certain. Et vous avez ici deux articles qui parlent des vrais taux de chômage aux États-Unis qui atteignent en fait 22 à 23%. Okay, donc, vous avez différents graphiques ici qui vous montrent comment qu'on en est arrivé à ces calculs-là. Et vous allez comprendre que si on inclut tous les travailleurs, donc les travailleurs même qui ont abandonné, qui ne cherchent même plus de travail parce qu'ils ont carrément abandonné tellement qu'il n'y a rien qui se trouve, ou les gens qui travaillent simplement à temps partiel, mais qui voudraient travailler plus que ça, vous avez des taux assez effarants, alors qu'ils montent au-dessus de 20%. On parle de 22 à 23% de taux de chômage aux États-Unis. Et puis, ben vous avez ces taux justement de chômage qui montent dans 20 États, qui ont monté dans 20 États le mois dernier, alors que vous avez plusieurs employeurs dans la plupart des États aux États-Unis qui ont renvoyé leurs employés. Donc, c'est quand même pas très reluisant, mais c'est la situation. Et puis, ça va conclure notre volet sur l'économie. Alors, nous, on va partir pour une pause musicale et puis on va se retrouver tout de suite après avec les nouvelles de l'actualité. Écouter l'excellente chanson de Ernest Ranglin, alors qui s'intitule Yusimaja. Alors voilà, nous on va aborder maintenant le dossier de l'actualité, un dossier qui est très important, beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité, et on va ensuite faire une autre pause musicale pour terminer avec le dossier des révolutions, des soulèvements sociaux, des manifestations monstres qui se passent un peu partout à travers des pays du monde. Alors voilà. Donc, actualité, vous avez ici un excellent, excellent, excellent documentaire à aller voir qui m'a été apporté par un commentateur d'Essai du Québec, alors qui m'a partagé ceci. Donc, c'est un truc qui a été fait par The Fifth Estate, qui s'appelle You Should Have Stayed Home at Home. Ça a été fait par CBC en réalité, puis ça parle de les événements qui se sont passés lors du dernier G20 ici à Toronto. Et puis ça a été de quoi assez grave, disons. Le Canada s'est transformé en état policier du jour au lendemain. Et puis on a même déclaré à certaines personnes que lors des événements, les gens n'étaient plus au Canada, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus protégés par la Constitution ou quoi que ce soit. Il s'est passé des affaires troublantes, même plus que ce que je pensais. C'est un documentaire qui dure environ 45 minutes et vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres, disons. C'est assez choquant. Il est assez clair que malheureusement, s'il y a des bons policiers, on les a pas vus très très très fréquemment ces derniers temps. Et lors du G20, ça a été une opération assez dévastatrice, disons, pour l'image du Canada et puis sur aussi, disons, pour notre illusion de vivre dans une nation hein, qui protège la liberté d'expression, le droit de manifester en public, de manifester son mécontentement. Il s'est passé des événements très disgracieux, disons. Vous allez le voir dans le documentaire. On a toutes les évidences vidéo. Vous avez des images, vous avez des témoignages directs. Vous avez, écoutez, vous avez une personne quasiment à la retraite là, qui travaillait d'ailleurs pour Revenu Canada, qui travaillait pour le gouvernement. La personne a perdu une jambe dans un accident sur sa terre. Alors, le monsieur cultive et puis, bon, il s'est passé quelque chose et puis le monsieur a perdu une jambe, il se promène avec une prothèse et vous allez voir ce que la police lui a fait subir. On a emprisonné au-dessus de, mon Dieu, je ne me rappelle plus du chiffre, c'est au-dessus de 1000 personnes, ça c'est certain, qu'on a arrêté partout dans les rues de façon sommaire, même des gens qui n'étaient même pas reliés aux manifestations, et disons-le, des manifestations qui étaient pacifiques. Alors, vous avez tout le temps, évidemment, quelques éléments turbulents. Dans ce lot-là, qui ont cassé des vitrines, qui ont mis à feu des voitures de police. Et puis, curieusement, la police n'est pas intervenue. Hein, on les a laissés faire. Les policiers avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Alors, on avait besoin d'avoir des images catastrophiques pour justifier ce qui était pour se passer un peu plus tard dans la journée fatidique où les policiers ont mis à sac et ont battu la population. On a même tiré pour la première fois dans l'histoire du Canada sur la foule avec des balles en caoutchouc. On a utilisé des gaz lacrymogènes, hein. On a utilisé toutes sortes de trucs, les bâtons, et puis on a battu des gens, on a même cassé des os. Un monsieur qui s'est fait briser un bras et puis qu'on a laissé après ça en prison pendant 5 heures, sans avoir recours à un docteur. Les gens qui avaient été emprisonnés avaient été carrément mis là sans recours à un avocat. Alors, c'est vraiment spécial ce qui s'est passé, vraiment particulier. Des genres d'images qu'on voit normalement dans des pays répressifs, hein? Des images qu'on verrait peut-être normalement, genre en Égypte, hein? Ou à d'autres places comme en Tunisie, ou des soulèvements sociaux comme au Yémen et ailleurs. Et puis là, ça s'est passé ici au Canada. Il y a une population qui s'est faite insulter, faite lancer des noms, toutes sortes d'affaires, des tactiques. Vraiment particulières qui ont été empruntées. Et puis, c'est un dossier choc. Écoutez, allez voir ça, je veux dire, parce qu'à un moment donné, si justement on continue de les laisser faire, ben, je vais vous dire, on va se diriger dans une direction qui réellement risque à un moment donné de faire en sorte qu'on se réveille un bon matin, puis avec l'impression de s'être réveillé en plein cauchemar. Et on ne veut pas se rendre là nécessairement. Vous savez, comme je vous dis, qu'on a ici à l'Autre Monde tout le temps notre soutien aux bons officiers de la police. Mais vous avez des affaires qui ont été faites par des policiers qui, lors du dernier sommet du G20, soulèvent des questions assez graves, même des gestes probablement criminels. Et puis, ben, vous avez ici, écoutez, un problème très grave parce que on parle ici carrément de la démocratie au Canada qui est menacée, de la liberté d'expression. Alors, allez voir ça. C'est un documentaire de CBC, de Fifth Estate, sur le dernier sommet du G20. Et puis, vous allez être peut-être probablement surpris, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, d'une différente image du Canada qui est très peu reluisante. Et ce n'est pas une question de faire d'attaquer le Canada, de faire du Canada bashing ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une question de défendre nos droits et libertés, droit d'assemblement, droit à la liberté d'expression. Et puis, si on perd ça, ben disons qu'il ne restera pas grand-chose ici, chers amis. Alors, aux États-Unis, on a un autre truc ici assez inquiétant qui s'est déroulé cette semaine, et puis c'est des exercices antiterrorisme les plus importants. C'est des bases, en fait, navales qui ont participé à cet exercice-là, dont celle de Guam et de Hawaï. On a appelé les exercices Solid Curtain, Citadel Shield, et puis les exercices avaient apparemment pour intention de donner aux officiels une vue d'ensemble sur l'état de préparation militaire, alors que le 10e anniversaire des événements du 11 septembre 2001 approche. Et puis, on veut être capable apparemment de répondre à des attaques multiples sur le territoire américain. Et puis là, ça va se lier avec des nouvelles assez surprenantes qui vont venir aussi dans pas très longtemps. On est en train de préparer, j'en ai parlé dans les émissions précédentes aussi, je vous appelle à revoir ces émissions-là si vous ne les avez pas entendues, parce qu'il y a plusieurs signes qui nous indiquent qu'on est en train de préparer encore une fausse attaque terroriste du type 11 septembre sur le territoire des États-Unis ou ailleurs dans le monde, et puis utiliser ce prétexte-là pour partir une guerre au Moyen-Orient, possiblement contre l'Iran, et qui pourrait facilement se trouver à être le début d'une troisième guerre mondiale officiellement. Alors, c'est pas ici, là, notre but de vous épeurer avec ça. Mais malheureusement, tous les signes sont en place, autant que tous les signes étaient en place avant la venue du 11 septembre 2001. Et puis, on est en train de se demander si justement, vous allez voir avec les autres nouvelles, comme je vous dis, là, des nouvelles sont reliées au Pakistan avec un agent de la CIA qui a été pris là-bas. Si on n'est pas en train de préparer justement une fausse attaque terroriste comme ça sur le territoire des États-Unis. Vous devez comprendre aussi que les terroristes, normalement, ne font pas des attaques terroristes en plein milieu des océans. Hein? L'exercice de préparation de l'armée des mers des États-Unis sont en train de se dérouler pour se protéger elles-mêmes contre une révolution américaine qui est probablement sur le point de se déclencher très bientôt. Et on est en train de conditionner justement les Marines à voir quiconque comme étant une menace potentielle. Alors, ça, c'est certain là qu'on est en train de se préparer au niveau militaire aux États-Unis. Vous avez même le gouverneur du Wisconsin, vous en avez parlé, les professeurs, qu'on veut couper les salaires, dont on veut couper les salaires de façon importante. Et puis, on essaie de blâmer les professeurs justement pour l'état de l'économie. Et puis, finalement, vous avez un genre de mouvement de sympathie à travers les États-Unis qui est en train de se créer pour justement supporter ces professeurs. Où est-ce qu'on s'en. Puis, ben, vous avez le gouverneur, je crois que c'est M. Walker, qui a décidé, lui, hein, il a déclaré dans les médias que on n'hésiterait pas à emprunter, à utiliser la garde nationale pour contrôler la foule et possiblement même tirer sur la foule. Vous avez une autre personne qui a déclaré ça, qui a perdu sa job un peu plus tôt cette semaine. Vous avez de sérieux indices comme ça qui sont en train de s'enligner et qui montrent que les États-Unis n'hésiteraient pas justement à tirer sur sa population, ou en tout cas à utiliser des moyens assez radicaux pour la contrôler. Vous savez aussi tout le temps cette histoire si vous voulez, du bouton pour fermer l'Internet, hein, donc ben, interrompre le service de l'Internet. Et puis aux États-Unis, on a essayé de passer un projet de loi pour faire en sorte que le président ait ce pouvoir, hein, de tout simplement mettre la clé dans l'Internet et fermer le tout. Et puis, on avait bien la misère de le faire passer. Alors, cette semaine, on a des nouvelles qui sont sorties qui nous montrent, dont CNET, là, qui nous montre que là, on est en train de réintroduire ce projet de loi sous un nouveau nom. Alors, on va l'appeler, au lieu de l'appeler la kill switch en anglais, l'appeler la kill switch. Là. Alors, si vous voulez, le bouton interrupteur pour tout simplement fermer l'Internet, éteindre l'Internet. Et bien là, on a renommé ce projet de loi The Internet Freedom Bill. Alors, si vous voulez, le projet de loi de la liberté d'Internet. Alors, vous voyez comment c'est orwellien aussi, ces gens-là. Hein, vous avez c'est des gens comme Joe Lieberman puis Susan Collins qui, eux autres, sont derrière je dirais cet attentat à nos libertés, à nos droits et libertés. Alors, imaginez là, le langage orwellien, là, le Internet Freedom Bill. Alors, c'est complètement déconnecté de la réalité, ces gens-là. Et puis, ben là, on est en train, comme je vous dis, de réintroduire ce projet de loi de 221 pages et qui donnerait au Homeland Security le pouvoir de même, comme je vous disais, d'interrompre, d'éteindre les systèmes d'ordinateurs et interrompre l'Internet si on déclarait une cyberurgence nationale. Alors, quand même assez incroyable de voir ça, OK? Donc, ça, c'est des choses à suivre. Et puis, vous avez aussi un nouveau algorithme chez Google qu'on a mis en place et puis qui va punir les agrégateurs de nouvelles. Alors, ça aussi, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle, mais c'est fait volontairement justement pour essayer de compliquer la vie à ceux qui finalement ont pour mission, qui se donnent pour mission de vous rapporter les nouvelles d'à travers le monde. Et puis là, en changeant cet algorithme, eh bien, ça va évidemment diminuer, si vous voulez, affaiblir ce qu'on appelle là, comment je dirais ça, si vous voulez, le ranking, là, donc le classement des sites, okay, qui auraient un contenu qu'on appelle un contenu de fermier. Alors, c'est un bizarre de terme, là, mais dans le sens que vous avez des gens qui finalement ont des sites et qui récoltent des nouvelles d'un peu partout, et puis les mettent sur leur site. Alors, ça, cet nouvel algorithme pourrait affecter jusqu'à 12% des recherches qui sont faites à l'intérieur des États-Unis. Alors, si on juge que votre titre, et puis là, ça a été vraiment annoncé sans d'explication vraiment claire, là. On disait si votre site est jugé comme étant de basse qualité ou d'un peu creux, alors vos sites seraient affectés et puis ne sortiraient pas aussi facilement avec les meilleurs classements dans les rangs où vos recherches sortent quand on fait une recherche sur Google. Ensuite, on a parlé durant les dernières semaines aussi de cette possibilité de changer les lois au Canada pour permettre les nouvelles un peu mensongères et carrément de la propagande ici au Canada. Eh bien, vous avez finalement les régulateurs du broadcasting au Canada qui ont abandonné leur tentative de changer les règlements pour faire en sorte que justement on puisse disséminer des fausses nouvelles. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, il faut en parler. Ensuite, une autre nouvelle assez particulière, vous avez une une enquête qui va être menée par un tribunal international et qui va se dérouler ici au Canada. Alors, on va chercher des sites d'enfouissement, des fosses communes où on a enterré des gens, donc surtout des Amérindiens ici au Canada. Vous savez, au Canada, on a aussi un génocide dans notre histoire dont on n'en parle pas trop, donc c'est un peu gênant. Et puis, on veut savoir ce qui s'est passé. Alors, par rapport aux crimes que l'Église ici et puis l'État ont commis il y a quelques décennies. Alors, on a même ici Stephen Harper qui s'est officiellement excusé au nom du Canada, mais on n'a pas allé très, très loin dans ce dossier-là. On s'est excusé auprès de justement des Amérindiens, alors des Amérindiens qui étaient dans ce qu'on appelait les écoles résidentielles à travers le Canada. Et vous avez des milliers de personnes qui sont mortes. Un genre de génocide ici canadien vraiment particulier. Alors là, vous allez avoir des enquêtes officielles internationales qui vont se dérouler ici au Canada. Alors on va chercher des sites d'enfouissement comme ça, de fosses communes où on a enterré des gens. Alors voilà, dossier TSC aux États-Unis. Alors le TSC, c'est quoi? C'est les services de sécurité dans les aéroports. Et maintenant, plus seulement dans les aéroports, ça se trouve à être même aux stations de train et puis d'autobus, hein? Alors là, vous avez en Australie un nouveau scanner corporel, un rayon X, un nouveau type là, qui vient d'être mis sur le marché. Et puis, c'est un truc qui finalement scanne vos cavités corporelles. Alors voilà, ça c'est fantastique. Alors, une autre machine de plus qui va vous donner le cancer à l'aéroport. Hein? Donc, là, on est en train d'introduire ça. Puis la TSX se dit intéressée à avoir de ces machines-là aussi pour sauver du temps. Alors, on dit qu'on perd trop de temps. Alors, on va vous scanner d'une autre façon, donner le cancer directement dans vos cavités corporelles. Fantastique. C'est vraiment super. Ensuite, vous avez une vidéo aussi d'un agent de la TSA qui donnait une fouille manuelle après qu'une mère et son fils étaient descendus du train à Savannah, aux États-Unis. Alors, on se demande premièrement quel droit ils ont de faire ça, et puis aussi de c'est quoi la logique de fouiller quelqu'un qui débarque du train au lieu de fouiller une personne avant qu'elle embarque dans le train, n'est-ce pas? Alors, complètement débile de voir ça. Et puis, vous savez, ces agents de la TSA, finalement, qui fouillent les gens, leur demandent des pièces d'identité, sans qu'ils aient un mandat d'arrêt ou un pouvoir quelconque leur a été donné. Alors, complètement illégal contre la Constitution, contre les droits, de la personne aux États-Unis. Et on commence à fouiller les gens un peu partout. Donc, on est en train d'entraîner les gens à être des esclaves obéissants. Hein? Donc, ça, c'est de quoi de très grave. Les États-Unis continuent de se poursuivre. Vous avez ici une autre source de la TSC, un agent qui travaille en sous-marin, qui était capable, lui, de passer à travers les systèmes de sécurité à l'aéroport international de Dallas puis de Fort Worth avec un fusil, un pistolet à main. Et qui est passé à travers de ces fameux scanners corporels. Et puis ça vient là d'une source à l'intérieur de haut niveau à la Transportation Security Administration, donc la TSA. Alors la source a déclaré que l'agent sous couvert a transporté un pistolet sous ses vêtements, alors que lui, il est passé à travers un scanner corporel. Et puis, finalement, le gars a réussi à se promener comme ça dans l'aéroport et peut passer les cordons de sécurité sans aucun problème. Imaginez, complètement débile. Donc, ça, c'était un autre exemple aussi qui vous montre que toutes ces mesures de sécurité-là, non seulement sont coûteuses, non seulement vous donnent le cancer, vous irradient, déchirent votre chaîne d'ADN, mais en plus, ça sert absolument à rien. Absolument à rien. Okay? Et puis Obama qui a juste ordonné l'achat de 4 milliards de dollars de plus de ces scanners corporels pour cette année. N'est-ce pas assez incroyable? Ça fait tellement de gens qui commencent à être écœurés de ces systèmes-là, d'états policiers, de surveillance complètement illégitimes et injustifiés, que vous avez des gens qui commencent même à poser des gestes assez spéciaux. Vous avez écouté un restaurant à Seattle ici qui a exercé son droit de refuser de servir quelqu'un et a défusé, eux autres, là, ils ont décidé de refuser de donner du service aux inspecteurs de la TSA. Alors, c'est assez incroyable, hein? Les gens se présentent à leur restaurant et puis on refuse de leur servir de la nourriture. Et puis, ils ont même eu recours à la police qui ont collaboré gentiment avec le restaurant pour accompagner ces agents de la TSC hors du restaurant. Alors, n'est-ce pas, c'est incroyable? Probablement un mouvement qui va continuer à se répandre, n'est-ce pas? Vous avez une large majorité, d'ailleurs, des consommateurs de ce restaurant, on dit plus de 90% qui sont d'accord avec la position du restaurant et qui les soutiennent dans cette décision. N'est-ce pas, c'est incroyable? On dit que tant que les agents de la TAC ne commenceront pas à traiter les gens avec respect et dignité, que les gens vraiment méritent, eh bien, on va faire la même chose à ces gens-là. Et puis, ben écoutez, je crois que c'est quand même de quoi qui est intéressant comme développement, la résistance, hein? Donc, voilà, passons les messages, n'est-ce pas? Aux États-Unis, ben, vous avez la Cour suprême qui, apparemment, a juste légalisé les meurtres collatéraux, hein, les assassinats collatéraux. Vous avez une décision de 6 juges contre 2 de la Cour suprême des États-Unis qui ont déclaré que les parents d'un enfant qui a reçu des vaccins et qui en a souffert d'une façon ou d'une autre, soit des dommages sur le système nerveux ou qui même en sont morts, n'ont maintenant aucun droit de poursuivre judiciairement les manufacturiers de vaccins, même si les vaccins tuent leur enfant. N'est-ce pas assez complètement délirant? C'est maintenant confirmé que les compagnies de vaccins ont tout simplement une immunité carte blanche contre toutes les poursuites judiciaires aux États-Unis. Les parents ne peuvent même plus avoir recours à la loi pour chercher des compensations pour leurs enfants qui ont été finalement, écoutez, dont la santé a été endommagée par les vaccins. Donc finalement, grosso modo, le gouvernement américain, essentiellement là, vient de légaliser la violence médicale contre les enfants. Hein? Donc, nouvelle absolument troublante. Ensuite, vous avez ici ce dossier particulier dont je parlais un peu plus tôt. Vous avez un Américain qui est arrêté au Pakistan pour avoir tiré des gens là-bas. Alors, abattu des gens en pleine rue qui, au début, on a dénié, étaient reliés aux États-Unis ou quoi que ce soit, mais finalement, qu'on a appris qu'il était un contracteur de la CIA. Il a été confirmé par un officiel américain. Okay, donc là, c'est un dossier assez particulier. Ça a été aussi discuté un peu sur le Washington Post. Vous avez le Net USA qui est encore en avant sur les journaux, évidemment, les journaux traditionnels. Et puis, vous avez ce personnage, cet officiel américain qui s'appelle Raymond Davis, qui lui est accusé au Pakistan d'avoir tué des personnes dans la rue et qui lui a travaillé pour la CIA. Alors, c'est un Américain qui a tué 2 Pakistanais le mois dernier et qui a été décrit publiquement comme étant un diplomate, hein, et qui en fait est un contracteur de sécurité pour la CIA, qui était part d'une équipe secrète et qui avait une mission assez particulière. Alors, vous avez trouvé différents articles là-dessus, là. Je vous résume ça assez rapidement, là. Mais écoutez, Monsieur Davis a été pris en train de livrer à des armes biologiques et possiblement même nucléaires à des gens préfabriqués par la CIA, alors des bogeymen, on appelle ça si vous voulez, des gens de marionnettes manufacturés par la CIA. Ça, c'est assez particulier. Pourquoi? Ben, parce que là, on est en train d'apprendre que ce monsieur-là est en train de supposément faire affaire avec des gens de l'Al-Qaïda pour apporter des armes à destruction massive. Là, alors que ce monsieur-là était pour être pris la main dans le sac, vous aviez des agents du ISI pakistanais qui suivaient ce monsieur-là, l'avaient repéré, trouvaient qu'il était louche, on le suivait. Et finalement, ben, on s'est rendu compte que le gars commençait à faire des contacts avec des gens, des terroristes, la CIA, des gens qui sont même ben, souvent financés par la CIA elle-même. Ben écoutez, à un moment donné, il est arrivé une altercation, puis M. Davis ben, a tué ces 2 agents-là du ISI qui le suivaient. Et on a trouvé des documents sur la personne de M. Davis qui montre qu'il travaillait à livrer du matériel pour fabriquer des dirty bombs, qu'on appelle en anglais, à des membres du Taliban et supposément des agents de l'Al-Qaïda. Des bombes sales, comme on appelle. Les bombes sales, c'est qu'on accroche, on met ensemble des résidus, whatever, des déchets nucléaires qui sont radioactifs, et puis on emballe ça avec une bombe, et puis on espère qu'en faisant sauter ça dans le centre-ville, ben, qu'on soit capable de tuer bien du monde par contamination radioactive. Ce gars-là a été pris pour faire un genre de trafic comme ça de matériel pour fabriquer une genre de bombe nucléaire à l'Al-Qaïda. aux talibans. C'est rapporté par différents médias. Ici, vous avez Yahoo News en Inde qui en a parlé. Et ça, c'est un dossier particulier. Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, le gars qui livre des agents biologiques et puis du matériel de fissiles nucléaires, selon les rapports qui ont été émis par différentes agences, dont les pakistanaises, même le gouvernement pakistanais, eh bien, on est en train de se rendre compte que les États-Unis sont en train d'organiser justement peut-être cet événement terroriste, cette fausse attaque terroriste en territoire américain ou sous des intérêts américains dans le monde. Okay, on a parlé beaucoup, particulièrement la semaine passée, puis les autres semaines précédentes. J'avais même parlé de, je crois que c'était la semaine passée, ou en tout cas dans les dernières semaines, j'ai parlé à un moment donné d'un cas particulier où on avait appris que vous aviez un agent dans les ports, dans le coin de San Diego, dans la côte ouest, sur la côte ouest américaine, où apparemment on avait tracé, on avait trouvé certains matériels, fabriqué une bombe de destruction massive dans un des ports américains. On n'a pas voulu révéler plus de détails. Et puis, on est en train de se rendre compte qu'on est tout en train de placer si vous voulez, les pièces du scénario en place, un peu comme on a fait lors du 9-1. On est en train de tout placer, les éléments en place, les acteurs, on est en train de laisser les traces pour qu'on puisse tomber dessus un coup que ça arrive. Et puis, là, on a probablement pris le gars, si vous voulez, pris les États-Unis ou les services secrets, la main dans le sac avant qu'il se passe de quoi. Et puis, ça, c'est un des indices les plus importants parce que là, on est en train de justement apporter les éléments nécessaires à un genre de fausse cellule terroriste pilotée, télécommandée par la CIA à distance. Et puis, créer cet événement qui leur a permis de finalement partir cette troisième guerre mondiale, partir en guerre contre l'Iran, justifier des interventions militaires dans un paquet de pays du Moyen-Orient. Des informations très troublantes, OK? Alors, vous allez apprendre ça. Un autre article ici qui parle que Raymond Davis fait cette fois de tête de la CIA au Pakistan. Vous voyez, Raymond Davis, un ancien soldat des forces spéciales qui a travaillé pendant 36 ans pour les forces spéciales, avait pris les commandes d'une station de la CIA au Pakistan. Alors, ça, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Allez voir ça. Vous avez plusieurs nouvelles qui parlent de cette histoire-là, qui documentent le dossier et puis qui commence à vous faire réfléchir pas mal un coup qu'on met, qu'on connecte tous les points de cette histoire-là. Vous savez, la CIA qui utilise des agents sous contrat de Blackwater pour approcher l'Al-Qaïda. N'importe quel sans-dessin qui va travailler, qui va décider de prendre ces matériaux-là et de leur donner des ingrédients clés pour fabriquer une arme nucléaire et peut-être même la garnir avec des agents biologiques. Puis après ça, vous avez le public, lui, qui se fait nourrir d'une histoire à propos de comment les bombes nucléaires pourraient déjà être à l'intérieur des États-Unis via le port de San Diego. Et puis après ça, rendre explicable justement une explosion subséquente. C'est comme si on est en train de revivre un 9-1. Le gouvernement des États-Unis et Israël sont désespérés de partir avec la Troisième Guerre mondiale. Vous avez plusieurs acteurs très importants qui en parlent à travers le monde. On sait qu'on est dans une dépression totale et puis les États-Unis sont sortis des dernières dépressions les deux dernières fois par des bombes, par des conflits internationaux. Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis vous avez une révolution globale qui est tout simplement à nos portes. Ces gens-là sont pris dans un coin et puis rien de plus dangereux justement qu'un gouvernement qui est pris dans un coin et qui est disposé justement à utiliser des armes nucléaires contre sa propre population. Et puis ceci n'est pas de la science-fiction. C'est pas un film de fantaisie. OK? On est en train de parler de quelque chose qui est vraiment en train de se passer. Vous savez, le gouvernement des États-Unis qui se sont sortis d'un crash financier 1907 en se joignant à la Première Guerre mondiale. Vous avez les États-Unis aussi qui se sont sortis du crash de 1929 en participant au deuxième conflit mondial, deuxième guerre mondiale. Et puis maintenant, on est encore dans les traînées du crash de 2007-2008. Écoutez, la criminalité de Wall Street et le gouvernement qui a tout simplement été complice dans toute cette histoire-là. Et puis, ces gens-là, finalement, ont besoin de détourner l'attention et on a besoin de partir une troisième guerre mondiale. Et puis, les seules personnes qui peuvent arrêter cette folie, ben, c'est vous. Alors, au Pakistan, ben ça, c'est en train de brasser pas mal de choses. Écoutez, vous avez des révoltes qui sont en train de prendre place au Pakistan contre cet agent de la CIA. On ne veut pas le renvoyer. Les États-Unis essaient de le rapatrier. Et puis là, apparemment, qu'on va y faire son procès au Pakistan. Donc, une histoire vraiment, vraiment assez renversante. Alors, surveillez ça. Et puis, on termine très bientôt avec les nouvelles d'actualité. Vous avez des scientifiques qui ont averti d'un lien entre un nouveau pathogène dangereux et puis le Roundup de Monsanto. Alors, c'est un pathologiste des plantes qui a beaucoup d'expérience justement dans la protection contre sous des agents biologiques qui a récemment averti la USDA d'un genre de micro-fungus d'une taille d'un virus, un genre d'organisme qui se reproduit lui-même, qui pourrait causer des avortements instantanés dans le bétail et des syndromes de mort subite, et qui est lié au Roundup de Monsanto, qu'on appelle le Ready Soy. N'est-ce pas assez troublant? Allez voir ça, une nouvelle très, très troublante. Si vous utilisez des produits de Monsanto, là, arrêtez donc. Hein, c'est peut-être pas une bonne idée, finalement. Une autre nouvelle ici qui documente ce que je parlais un peu plus tôt, Israël qui a ordonné à son armée de prendre les ressources du Liban, les ressources de gaz du Liban. Alors, comme je vous disais, on a des délimitations territoriales dans l'océan qui font en sorte que les réserves de gaz devraient être séparées entre le Liban et Israël. Mais là, Israël vient d'ordonner son armée de tout simplement là, défendre le territoire et puis mettre la main carrément sur ses ressources. N'est-ce pas assez particulier? Quand vous avez une nation normalement qui envoie son appareil militaire pour confisquer des richesses minérales d'un autre pays sans sa permission, normalement, on appelle ça un acte de guerre, n'est-ce pas? OK. Ensuite, un autre cas particulier, bien, vous avez quatre Américains qui ont été kidnappés, qui ont été tués par des pirates au large de la Somalie. Une histoire assez particulière, en eau internationale. Et ça, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques jours, en fait, tout au plus d'une semaine. Et puis, vous aviez du personnel militaire américain qui était justement dans le coin, qui ont essayé de reprendre le contrôle justement de la situation. Mais jamais, ou jamais, le US Command n'a envoyé les Navy SEALs ou qui que ce soit pour essayer de recapturer le vaisseau qui avait été pris, qui avait été seulement détourné par les pirates. Alors, on a seulement regardé la scène à distance. Ils ont juste suivi le yacht. Donc, là, vous avez une situation encore là assez particulière parce que normalement, les pirates ne tueraient pas si vous voulez, leur ticket pour s'échapper, OK? Parce que quand on kidnappe des personnes, c'est parce qu'on veut s'assurer une fuite, n'est-ce pas? Et puis là, pour des raisons obscures, les pirates auraient tout simplement tué justement leur billet d'échappement. Et puis cette histoire-là ne sent pas bon du tout. Il y a vraiment de quoi qui cloche dans cette histoire-là. On se demande justement si on n'a pas laissé faire les pirates ou si c'est pas tout simplement le fait que justement les pirates savent que les États-Unis ne peuvent pas vraiment faire grand-chose parce que le gouvernement américain justement avait laissé faire Israël quand ils avaient tué ces personnages qui étaient sur la flottille d'aide humanitaire, dont un Américain. Okay? Vous aviez un citoyen américain qui se trouvait là, qui a été abattu à bout portant de cinq projectiles en eau internationale. Le gouvernement n'avait absolument rien dit. Alors, les pirates, tout simplement, doivent se dire que si vous laissez Israël, hein, tuer vos citoyens américains en pleine eau internationale, ben que nous aussi, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. Alors, ça, c'est une situation assez particulière. Donc, voilà. Nous autres, on vient de terminer le bloc des nouvelles de l'actualité en général. Et puis là, au retour de la pause, on va se pencher sur le dernier dossier important des révolutions, des soulèvements sociaux partout, un peu partout à travers le monde, notamment en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Yémen, en Irak et dans d'autres contrées dont vous allez voir tout de suite après la pause. Alors, on se retrouve immédiatement. wish you knew were here. Well, I hope that when you come home tonight, you will say to me, I'm alright with you. I miss you too. Well, all around the world where people wanna come and sit, the world will stop for you being polite, but you will surely find your love. Et voilà, chers auditeurs, on est d'écouter Long Lost Way. Donc, on continue avec notre dernier dossier de la semaine, les révolutions dans le monde. Écoutez, je commence le dossier avec une petite note, peut-être un peu comique, mais quand même assez révélatrice. Vous avez le film hein, A Bug's Life, la vie des insectes. Je ne sais pas si le titre là, exact là, en version française, là, mais écoutez, c'était le film avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les fourmis, puis les cigales qui étaient là, et puis à un moment donné, les gros insectes se parlent ensemble, ils se disent, écoutez, si à un moment donné, les petites fourmis se réveillent, hein, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent se lever debout et puis nous résister, ben on risque un jour, à un moment donné, ils vont tous se mettre debout et puis ils vont nous résister, puis à ce jour-là, ça va être notre fin. Hein? Donc, à un moment donné, si vous voulez, les grands contrôleurs, les tyrans, ils comptent sur le fait que nous ne soyons pas bien informés, puis que nous ne comprenions pas que nous sommes le pouvoir, et puis que si on se met tous ensemble, il n'y a aucun moyen de contrôler toute cette population, n'est-ce pas? Et c'est ce que plusieurs populations du Moyen-Orient et de la côte nord-africaine commencent à réaliser. Et c'est que c'est eux qui décident des choses. Et puis, quand ces gens-là se mettent ensemble, il n'y a même pas une armée qui est capable de mater une population complète, n'est-ce pas? Alors, c'est un éveil de la conscience, je crois, qui est en train de se passer un peu partout sur la planète. Et puis, nous, on est ici pour vous informer sur tous ces développements-là et pour participer justement à cette résistance, à ce mouvement pour la libération de l'humanité. Alors, vous avez un article ici en premier lieu de Michel Tchulowski qui parle de l'Égypte, l'opération clandestine du renseignement états-unien. Alors, bien sûr qu'il y a des soulèvements populaires, il y a aussi des manigances, évidemment des subterfuges, il y a tout le temps de l'ingérence des pouvoirs occidentaux, dont les États-Unis puis l'Angleterre, qui sont tout le temps mêlés à ça. Alors, il faut essayer de démêler toutes les affaires, il y a beaucoup d'informations. Vous avez l'envoyé d'Obama en Égypte qui s'appelle Frank G. Weisner II, qui est le fils du génie derrière le renversement du gouvernement de Mohamed Mossadegh en Iran en 1953, un coup financé par la CIA qui se trouve là-bas. Et écoutez, cette personne-là a été dépêchée en vitesse au Caire le 31 janvier dernier pour des rencontres de haut niveau avec Hosni Moubarak au point culminant des contestations. Et puis, Frank G. puis Hosni étaient de proches amis dans les années 1980 lorsque Frank G. Weisner était l'ambassadeur en Égypte entre les années 1986 et 1991. Weisner a servi comme ambassadeur au plus fort de la guerre du Golfe. D'ailleurs, il a joué un rôle clé dans les négociations ayant mené à l'accord de 1991 par lequel l'Égypte s'est engagée non seulement à participer à la guerre du Golfe contre l'Irak, mais également à appliquer des réformes macroéconomiques dévastatrices sous la direction du Fonds monétaire international. Cet accord de 1991 a été dicté directement par Washington et instrumentalisé par l'ambassade des États-Unis au Caire. Frank Weisner a été envoyé en Égypte à la demande explicite du président Obama afin de négocier un règlement à la vague de protestations. Et ces discussions avec le président de l'Égypte ont été un prélude au discours de Moubarak du mardi le 1er février où il a confirmé qu'il ne démissionnerait pas de la présidence avant la tenue d'élections prévues pour l'automne 2011. Alors, à la date de l'écriture de cet article, il n'avait pas encore démissionné. Alors, vous devez comprendre là, que les informations évoluent ici. Vous avez la rencontre entre Weisner et puis Moubarak derrière les portes closes qui faisait partie d'un programme des services de renseignement et Washington n'avait aucune intention de faire pression pour résoudre la question du mouvement de protestation, sa priorité étant le changement de régime. Le mandat de Weisner était d'ordonner à Moubarak de ne pas démissionner et ainsi de contribuer à provoquer un climat de chaos social et d'incertitude sans compter la déstabilisation délibérée du système monétaire égyptien ayant entraîné une fuite des capitaux de milliards de dollars. Alors, on sait maintenant que Moubarak a dû démissionner, mais vous voyez un peu les jeux de coulisses qui ont lieu, et puis c'est très intéressant de savoir qui est qui, puis pourquoi ces choses-là se passent de cette façon, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que Frank Weisner II n'est pas un diplomate états-unien ordinaire. Il est membre d'une famille bien connue de la CIA, à savoir le fils d'un des espions les plus renommés des États-Unis, de feu de Frank Gardner Weisner. Et Weisner Sr. a dirigé l'OSS, the Office of Strategic Services, le Bureau des services stratégiques, en Europe du Sud-Est durant la Seconde Guerre mondiale. Dans la foulée de la guerre, elle a été chargée de nombreuses opérations de renseignement, lesquelles ont, à maintes égards, établi le modus operandi de la CIA. Ses responsabilités comprenaient notamment la propagande, le sabotage, la désinformation médiatique, etc. Vous voyez le type de personnage qu'on envoie justement en Égypte pour régler les problèmes. Hein? Il fut l'artisan de l'opération Mockingbird, un programme de la CIA qui consistait à infiltrer les médias états-uniens et étrangers. En 1952, Wisner est devenu le chef du Directorate of Plans de la CIA. Richard Helms était son chef des opérations. Il a également été le cerveau du coup financé par la CIA qui a renversé le gouvernement de Mohamed Mossadegh en Iran, ouvrant la voie à l'installation de Mohamed Reza Shah Pahlavi à titre d'empereur et de chef de gouvernement fantoche, alors qui a suivi ensuite de nombreuses années de dictature sauvage en Iran. Alors, voyez un peu les jeux de coulisses comme ça des États-Unis dans ces pays-là. Vous avez différentes nouvelles justement qui montrent bon, que les Égyptiens devront être prudents parce que justement, on risque d'instaurer une nouvelle marionnette en place. Alors, la démocratie qui demeure incertaine selon plusieurs analystes en Égypte. Alors, vous avez évidemment une multitude d'articles à aller voir sur ça. Vous avez les militaires qui ont maintenant dissolu le Parlement, qui a annoncé que des élections devraient prendre place au mois de septembre. Alors, l'armée qui a pris le pouvoir pour le moment, l'armée égyptienne qui a essayé de nettoyer, si vous voulez, de renvoyer tous les protestants qui se trouvaient là à Tahrir, donc le fameux carré de Tahrir au Caire où tous les activistes se trouvaient, qui est un peu l'épicentre du soulèvement social de l'Égypte. Alors, il y a eu certaines confrontations ces derniers jours, dont une dans un des bureaux gouvernementaux, si je me rappelle bien, et puis la police avait battu des protestants, et puis s'en est excusé par après. Alors, vous voyez un peu là, l'armée qui, quand même, essaie de resserrer la vis un peu en Égypte, mais essaie de ménager aussi la population, parce qu'ils savent très bien que s'ils se mettent à mal paraître, ben que là, la population égyptienne va maintenant se tourner contre eux. Alors, vous avez un peu une partie qui est en train de se jouer en ce moment. Vous avez quand même des soldats qui ont, si vous voulez, qui ont confronté les manifestants au Caire. Alors, vous avez différentes nouvelles qui parlent de ça. Là, on a quand même certaines escarmouches se sont déroulées. Vous avez des protestants, justement, égyptiens qui ont condamné le pouvoir militaire. Alors, on veut carrément là, mettre tous ces types de pouvoirs-là à la porte et puis vraiment choisir son propre gouvernement. Vous avez ensuite les Égyptiens qui sont inquiétés justement par différentes manipulations pour justement détourner la révolution qu'ils sont en train de faire. Alors, on sait que vous avez différents serviteurs des États-Unis puis d'Israël qui se retrouvent dans l'establishment égyptien, qui sont en train de faire des efforts justement pour essayer de détourner cette révolution historique égyptienne. Alors, on a des dangers ici qui sont discutés par Ourouknet dans un article, justement des dangers qui menacent la révolution égyptienne et puis qui parviennent de Washington. Alors, vous avez différents indices ici qui montrent que vous avez des mercenaires et puis des criminels qui sont envoyés dans les rues pour battre des gens, pour rentrer dans leur maison, tirer dessus, même tuer des manifestants au Caire et puis à la ville d'Alexandria et dans d'autres villes égyptiennes. Alors, on sait qu'on a maintenant des preuves comme quoi que on a justement des liens avec différentes nations extérieures aussi qui viennent prêter main forte justement aux gens qui pourraient essayer de prendre le pouvoir et puis garder, si vous voulez, l'ordre établi en place là, qui servent les intérêts aussi de différentes nations comme les États-Unis et l'Angleterre et Israël. Donc, plusieurs nouvelles qui parlent de ces trucs-là. Ensuite, vous avez plusieurs nouvelles qui montrent aussi là, que Moubarak, justement, a descendu du pouvoir. Ça, vous le saviez sûrement déjà. Ici, on parle là, d'activistes là, qui ont déclaré que plusieurs officiers de l'armée égyptienne et de soldats avaient averti que l'armée ne tirerait plus avec des fusils sur les protestants et qui, au lieu, devraient tirer sur les commandants de l'armée. Alors, voici pourquoi, d'ailleurs, Moubarak est tombé. C'est que vous avez plusieurs personnes dans l'armée qui ne voulaient pas obéir à l'ordre de tirer sur la foule. Et puis, il s'est passé un peu la même chose en Libye. On va en parler de la Libye. Donc, ça a brassé pas mal là, ces derniers jours là-bas. Et puis, vous avez Kadhafi qui a ordonné l'armée d'ouvrir le feu sur la population. Vous avez eu écoutez, des centaines, c'est pas des milliers de morts. On a utilisé des avions de chasse et des hélicoptères de l'armée pour larguer des bombes dans les quartiers populaires et puis sur les protestants. C'est assez grave, mais vous avez des affaires assez particulières qui se sont passées, c'est-à-dire que vous avez des pilotes de chasseurs et d'autres aussi, vous allez voir dans la nouvelle particulière quand on va y arriver, qui ont décidé de ne pas obéir aux ordres et puis se sont réfugiés dans d'autres nations, ont déposé leur avion et puis leur équipement militaire là et puis ont demandé l'asile. Donc, c'est quand même assez particulier. Et puis, c'est pourquoi que ces gens-là sont appelés à tomber. C'est que vous avez même plusieurs gens dans les plus hauts rangs de l'armée qui décident de se ranger du côté de la population. Ce qui est quand même incroyable. Ce que les policiers ici du G20 à Toronto n'ont pas fait. Les policiers du G20 qui, hein, quand je disais qu'il y a des parallèles à faire avec ces nations-là, on ne peut pas dire que le Canada est rendu dans une situation aussi grave qu'eux autres. Mais écoutez, on est sur la même pente. OK, on est dans la même direction. Et puis, c'est ça qu'il faut voir. OK, quand vous avez des policiers qui sont payés par les payeurs de taxes pour les mater, pour protéger les grands requins du monde, hein, les financiers qui se rencontrent lors du sommet du G20 pour décider de notre destinée économique, de notre futur sans nous consulter. Eh bien, à un moment donné, il y a certains des parallèles à se faire, OK? Et peut-être que même vous avez des gens maintenant dans ces pays-là, comme en Égypte, qui sont encore peut-être plus avancés que nos policiers, des gens dans l'armée qui se rendent compte que eux, ils ont intérêt à défendre la population contre ces méchants malades-là, OK? Machin malade et tyrans qui sont à la tête de ces pays depuis des décennies, puis qui torturent, qui menacent, qui oppriment la population de façon éhontée. Alors, n'est-ce pas particulier, hein? Des gens qui décident de ne pas obéir les ordres de tirer sur la population. Alors, il y a fort à parier que justement, vous avez peut-être des gens comme Obama qui sont en train de réévaluer leur plan, hein, de faire d'opprimer, si vous voulez, de mettre à bas une rébellion ici aux États-Unis, à la lumière des révélations, justement, que vous avez de très, très, très mauvais services médicaux aux vétérans qui reviennent, qui sont bien souvent laissés pour compte, même comme sans-abri. Différents scandales comme ça qui ont frappé la famille, des familles des militaires, on leur charge beaucoup d'argent pour toutes sortes d'affaires, on essaie de carrément les frauder, dont le fameux dossier des reprises de finances. Okay? Et puis, vous avez eu des mutineries sur certaines bases américaines qui ont eu lieu. Et vous avez une énorme population sans-abri aux États-Unis, dont le tiers est environ composé de vétérans. Imaginez. D'ailleurs, vous saviez Ron Paul, j'en parle souvent ici sur l'émission, Ron Paul, qui était supporté en grande majorité. La majorité des vétérans de guerre et puis des gens de service militaire aux États-Unis supportaient Ron Paul plus que tout autre candidat lors des dernières présidentielles aux États-Unis. Alors, ça vous montre-tu que, il y a un courant à travers justement ces institutions-là? Vous savez, les Oath Keepers, j'en parlais dans une autre émission précédente aussi, eux qui ont créé une organisation ensemble qui, justement, les membres honorent leur serment de ne pas défendre le gouvernement aux États-Unis, mais de défendre la République, de défendre la Constitution, les Oath Keepers. Alors, quand le gouvernement va ordonner justement aux soldats de tirer sur la foule ou ben non de mater un soulèvement social potentiel aux États-Unis, ça se pourrait qu'il y ait bien des gens qui se retournent de bord et qui décident de ne pas obéir à ces ordres. OK? Donc, des nouvelles quand même assez intéressantes, n'est-ce pas? Ben écoutez, vous avez différentes nouvelles. Vous allez voir là Clinton qui essaie de protéger Moubarak jusqu'au dernier moment. Vous avez Omar Souleyman qui avait menacé l'Égyptien d'un coup militaire. Alors, Souleyman a juste admis que justement, ils ne peuvent pas mentir pour se sortir de cette situation-là, qu'une guerre s'en vient. Vous devez comprendre que une attaque américaine sur la démocratie égyptienne, sur le mouvement pour la démocratie égyptienne, est une attaque contre la démocratie elle-même. C'est qui Souleymane, vous vous rappelez? C'est celui qui a reçu les pouvoirs des mains de Moubarak, Omar Souleymane, qu'on appelle Monsieur Torture en Égypte, qui a participé au programme de transport des prisonniers vers des destinations pour se faire torturer. Alors, lui, c'était le gars en chef, si vous voulez, le spy master des services secrets égyptiens. Et puis, lui a déclaré que l'Égypte n'était pas prête pour la démocratie. Hein? Ben non, c'est bien certain. Alors, n'est-ce pas incroyable? Il déclarait des affaires comme ça. Ensuite, vous avez des centaines de personnes qui ont été tuées et puis blessées à Karga. Alors, vous avez des protestants qui ont été... ça, c'est une ville dans le sud de l'Égypte, des protestants qui se sont trouvés là, une révolution encore là qui avait lieu. Et puis, vous avez les forces de sécurité égyptiennes qui ont tiré, ouvert le feu avec des vraies munitions sur la foule en tuant des protestants. Alors, vous avez le gouvernement d'Égypte qui a toute fin pratique de déclarer la guerre contre ses propres citoyens. Et puis, vous avez les citoyens américains qui ont payé pour ces munitions-là, imaginez. Alors, vous avez comme ça plusieurs nouvelles. Le président Obama, l'administration Obama qui, eux autres, ont essayé de protéger Moubarak au dernier moment. Alors, vous voyez aussi là, à quel point, justement, les États-Unis, mon Dieu, ça se dit là, en Irak et puis en Afghanistan, pour promouvoir la démocratie. Puis, vous voyez clairement que ces gens-là sont là derrière les régimes les plus tyranniques de la planète. Hein? C'est des faits. Et puis, vous voyez ces gens-là qui ont révélé leur vraie couleur tout au long de cette révolution, depuis quelques semaines déjà. OK? Donc, allez voir ça. Vous avez Souleymane. Écoutez, ce gars-là est complètement débile. A déclaré, je cite, « Des chauves-souris sombres de la nuit vont venir terroriser le peuple. » Ça, c'est ça sort de la bouche de M. Souleymane qui a menacé les manifestants égyptiens. C'est pas incroyable. On essaie de terroriser la population d'administration qui soutient Souleymane, complètement débile. Alors, voilà comment on promeut la démocratie au Moyen-Orient, au niveau des États-Unis. Alors, voilà plus de changement et d'espoir qui vient d'Obama. Hein? Obama qui a fait des promesses politiques durant sa campagne de 2008 qui ne sont que du vent. Hein? Yes, we can. Change we can believe in. Hey, quel beau ramassis de mensonges! Incroyable! Différentes nouvelles sur les frères musulmans. Alors, allez voir ça aussi, différentes nouvelles pour essayer de démystifier qui sont ces gens-là. Alors, je vous invite tout le temps à être aussi prudent avec l'information, essayer de vous faire la meilleure idée possible avec les informations qui sont disponibles. Alors, vous avez dans une autre nouvelle ici un certain Martin Indyk, un ancien officiel de l'administration Clinton qui aussi a travaillé dans le U.S. National Security Council, qui était responsable de la section du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien. Un individu qui avait des liens très proches, un individu qui a des liens très proches avec l'administration Obama, a déclaré au New York Times que les États-Unis doivent travailler avec l'Égypte, okay, pour amener l'armée égyptienne vers un certain contrôle de l'Égypte, jusqu'à temps qu'on ait un leadership politique modéré, légitime, qui émerge. Et on est en train de parler ici de prendre contrôle de l'Égypte au niveau militaire. Donc, on est en train de parler de ça, et puis aussi on est en train de parler d'intervention militaire au niveau de l'Égypte, soit par les États-Unis ou Israël ou même l'OTAN. Okay? Donc, on est en train de carrément parler là, d'intervenir militairement dans la région. On parle peut-être d'envahir certains pays comme l'Égypte et la Libye et utiliser soit l'appareil militaire américain ou tout simplement l'OTAN ou pourquoi pas les forces militaires israéliennes. Et n'oubliez pas que si on intervenait de façon militaire dans ces pays-là, on pourrait tout simplement mettre le feu aux poudres, ce que possiblement les États-Unis et Israël voudraient voir prendre place, de voir la région sombrer dans un chaos total. OK? Donc, il y a des choses à aller voir là-dessus. Il faut se poser des questions à savoir ce qui risque de se passer parce que là, on est en train d'assister de plus en plus à des pourparlers de très haut niveau de l'administration Obama et vous avez l'armée américaine qui est impliquée là-dedans parce que là, vous allez voir au niveau de la Libye, là, ça commence à descendre pas mal rapidement dans le chaos et puis là, ça commence à tenter beaucoup à l'armée américaine au pouvoir à Washington d'intervenir militairement. Donc, là, vous avez ici un historien de l'Holocauste et un ancien des kibboutz israéliens, le professeur David Cesarani, lui qui a laissé flotter l'idée qu'un massacre de style du carré de la place de Tiananmen Square en Égypte serait une façon, justement, potentiellement, de mettre fin à l'anarchie. Alors, lui est en train de parler tout simplement, là, il est en train de laisser flotter l'idée qu'un massacre des protestants égyptiens serait désirable. Alors, vous avez des personnes comme ça qui commencent à placer, hein, des idées dans l'espace public pour préparer les gens. On dit qu'il faudra avoir une vue pragmatique et puis faire en sorte que peut-être que même si les événements hein, de la place Tiananmen en Chine avait été sanglant, que lui, il voit ça peut-être d'un œil désirable et peut-être même, possiblement, la seule façon de mettre fin à la révolution. Alors, il dit, c'est ça que ça prend? Ben, c'est ça que ça prend. Lui, c'est sa façon de penser, vous voyez. Alors, un autre qui se joint à différents conseillers comme ça, qui commence à sortir avec des idées du type. Alors, voilà. Alors, vous avez Moubarak et la famille qui ont quitté le pays maintenant. Vous avez différentes nouvelles aussi qui parlent de ça. Et on va le recevoir. Je crois qu'on l'a reçu, lui. Attendez un peu, si je me trompe pas, je crois que c'est en Allemagne ou un truc comme ça. Alors, voyez aussi ces gens-là, ces tyrans-là sont accueillis après qu'ils ont rempli leur mission dans les pays comme soit aux États-Unis, en Angleterre, des fois c'est en France. Vous avez des personnages en Allemagne et puis en Argentine. OK? Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Et puis là, apparemment, qu'on a appris dans différentes nouvelles assez spéciales, apparemment que l'homme Moubarak, il va pas bien au niveau de la santé, puis que celui, le président déposé de la Tunisie, celui qui a été renversé, serait apparemment dans le coma. Ça a été rapporté par des rapports qui proviennent de la France. Alors ça aussi, c'est assez particulier parce qu'on se demande justement la coïncidence particulière que ces deux dictateurs renversés tombent soudainement dans un état de santé grave et pourraient même mourir. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de créer un genre de faux scénario au niveau mondial, le temps que ces personnes-là, hein, s'enfuient et vont se cacher à quelque part dans un pays étranger pour se la couler douce pour le reste de leur jour en se faisant passer pour morts? Alors, gardons l'œil ouvert, moi je vous dis, il y a des coïncidences un peu spéciales qui se passent. Alors, je viens de retrouver ici la nouvelle, c'est effectivement l'Allemagne qui a offert refuge à Moubarak. Alors, voyez un peu, c'est nos pays occidentaux qui, hein, non seulement entretiennent ces régimes brutaux et tyranniques, mais un coup que ces gens-là sont dans le trouble, ben, après ça, on les accueille à bras ouverts dans nos pays. Hein, viens prendre des vacances chez nous, viens finir ta pension tranquillement dans une belle villa dans notre pays. Alors, vous avez Musharraf, lui, au Pakistan, qui s'est fait servir un mandat d'arrêt pour l'assassinat de Bhutto. Alors, vous vous rappelez, ça aussi, on avait parlé beaucoup à l'émission, Benazir Bhutto qui s'était fait tuer lors de la campagne électorale au Pakistan. Et puis, ben, c'était finalement Musharraf qui apparemment aurait donné l'ordre d'assassiner Madame Bhutto. Et puis lui, maintenant, il vit où? Il vit à Londres. Alors voilà. Alors c'est comme ça. Alors voilà Moucharaf, mon gros sale, mon espèce de tyran sanglant. Viens-t'en vivre chez nous, maintenant que tu as rempli ta mission. Hein, on va te donner une belle retraite dorée. Alors c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un article ici qui parle des 11 prochains pays qui pourraient devenir la prochaine Égypte. Alors, une petite liste intéressante à aller voir. Vous avez les chrétiens qui ont joint les musulmans en Égypte durant la Révolution. Alors, ça aussi, c'est des unions intéressantes à aller voir, hein? Donc, les fameux musulmans du mal qui sont tout le temps démonisés dans les médias, ben là, vous voyez, c'est assez particulier. Vous voyez justement des gens qui se mettent ensemble. Vous voyez qu'à travers l'histoire, les gens de toute allégeance religieuse, idéologique ou de différentes même cultures peuvent vivre et travailler ensemble. OK? C'est seulement ceux qui sont complètement, je dirais, dépendants de l'argent, hein, les gourmands de l'argent, les avares, ceux qui n'en ont jamais assez, ont tout le temps besoin d'avoir des grandes robes sacrées, hein, des gens qui se retrouvent au sommet des empires qui incitent les chrétiens, les musulmans et les juifs à se battre ensemble, à se diviser, pendant que ces gens-là règnent en haut. Bon, alors voilà. Et puis vous avez le roi de l'Arabie Saoudite, lui, qui s'est dit dérangé, s'est dit déçu par l'abandon d'Obama face à Moubarak. Alors, voyez encore là, hein, les gens qui se rendent compte que les dictateurs protégés par les États-Unis ou Israël peuvent être renversés, ce qui les trouble énormément. Alors, vous avez le roi, lui aussi, de l'Arabie Saoudite qui s'est précipité pour essayer de donner des bonus, augmenter les budgets sociaux par-ci, par-là, pour essayer de calmer la population. Alors, vous voyez vraiment qu'il y a un mouvement de panique chez les tyrans. Et puis, ça, c'est extrêmement positif. C'est de voir que, évidemment, la population mondiale a un pouvoir énorme. Il s'agit juste qu'on se mette debout et qu'on commence à dire non quand c'est non. Vous en avez énormément de nouvelles. J'aurais pas le temps de passer tout au travers, mais écoutez, en Algérie, ça a été la même affaire. En Algérie, on a levé l'état d'urgence qui durait depuis 19 ans. Des soulèvements importants qui se passent en Algérie, qu'on n'a pas vu. Écoutez, là, c'est des records historiques qui menacent le président Bouteflika, okay, qui lui est là depuis plusieurs décennies aussi. Vous avez différents articles qui parlent justement des milliers de personnes qui demandent des réformes en Algérie. La révolution qui est en train de prendre place là-bas, vous avez des centaines qui ont été arrêtées alors que vous avez 30 000 policiers qui essayaient justement de mater ces révoltes sociales qui demandent la démocratie, qui sont inspirées par la chute de Hosni Moubarak en Égypte. Vous avez l'Algérie qui a éteint son Internet et puis le site de Facebook alors que les protestations montaient. Alors, vous voyez aussi, on utilise tout le temps ces tactiques-là. Vous avez des milliers de démonstrateurs pro-démocratie qui ont été arrêtés dans des démonstrations, des fois parfois violentes, à travers l'Algérie. Au Yémen, ben, vous avez eu des forces yéménites qui ont aussi maté des protestations massives, qui ont marché vers le palace présidentiel. Vous avez eu des milliers de Yéménites qui ont protesté à travers toute la nation. La police qui a attaqué les protestants. Alors, ça aussi, là, ça brasse pas mal au Yémen. Vous avez eu même des gens qui ont été tués, alors des protestants qui ont été tués, des États-Unis qui ont annoncé qu'ils étaient pour dépenser 75 millions de dollars sur l'entraînement des forces militaires au Yémen. Alors, encore là, vous voyez l'ingérence des États-Unis dans ces pays-là qui maintiennent les régimes tyranniques en place. Alors, ça aussi, là, c'est des informations très importantes dans le sens qu'on voit clairement qui met en place et soutient ces régimes-là. OK, vous voyez que ces 75 millions de dollars-là se sont ajoutés aux 120 millions de dollars qui étaient déjà en place, sans aucun contrôle, aucune garantie précisément où l'argent va se diriger, alors que M. Saleh a une histoire, un passé, hein, de détourner les fonds américains pour justement se maintenir en place. Alors, vous voyez encore là les gens du Yémen qui sont évidemment très en colère à propos de leur qualité de vie qui est assez atroce, disons-le, et des quantités d'argent énormes qui s'en vont en corruption et qui finalement sont là pour garder le gouvernement en place. C'est ce gouvernement qui utilise les forces spéciales, la police pour mater la population. Libye, ben écoutez, la Libye, vous en avez entendu parler aussi, c'est assez horrible ce qui se passe là-bas. Là, vous avez eu des dizaines de milliers, c'est pas des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté à travers la Libye pour manifester contre Kadhafi. Alors, ça aussi, c'est un autre régime qui est en place, Muammar Kadhafi, assez particulier, OK? Un homme qui, malgré tout, hein, reste financé et quand même le beau body-body des pouvoirs occidentaux, malgré tout ce qu'on en dit, n'est-ce pas? Alors, vous avez les forces armées de l'air qui ont été utilisées pour larguer des bombes sur la population qui manifestait. On a tué des centaines, c'est pas des milliers de civils. Alors, Kadhafi qui utilise les forces militaires pour mater sa propre population, qui a ordonné carrément le massacre de sa population. Et vous avez, comme je vous disais, des exemples très intéressants de personnes justement qui ont décidé de se réfugier à l'extérieur du pays avec leur appareil militaire et puis de refuser les ordres de tirer sur la population. Mais vous avez plusieurs reportages et articles ici là, qui parlent de milliers de personnes qui ont été tuées déjà. Donc, de quoi de très, très triste du personnel de l'ambassade de la Libye à Stockholm qui ont décidé de quitter leur emploi pour protester contre ce genre de mini-génocide qui est en train de prendre place à l'intérieur de ce pays-là. Vous avez justement de plus en plus de gens qui sont en train de quitter le bateau de Muammar Kadhafi, qui sont en train justement de l'isoler à Tripoli, qui est en train, lui, de perdre le pouvoir. Vous avez probablement Kadhafi qui ne sera pas capable de garder le pouvoir encore bien longtemps, ça c'est certain, sauf qu'il est en train de faire tout un massacre dans son pays. Donc, vous avez différentes affaires ici. Allez voir plusieurs articles. Moubarak, lui, qui a ordonné à ses gros bras de détruire les évidences de leurs crimes. Alors, vous avez une partie du ministère de l'Intérieur qui a été mise à feu au Caire. Alors, ça a été rapporté par le CNN. Et puis, je rapporte ça ici parce que, ben écoutez, c'est important aussi de voir que ces gens-là aussi effacent leurs traces avant de partir, hein? Donc, vous avez ici le fils de Muammar Kadhafi qui a averti le peuple d'arrêter de protester ou bien non de faire face à une guerre civile et de colonialisme. Alors, vous avez une vidéo là-dessus. Écoutez, c'est assez spécial là, ce qui se passe en Libye. Là. C'est vraiment là une première historique. Ok, c'est vraiment une poussée pour une dictature globale qui a tout simplement déclenché une révolution globale aussi à son tour. On doit voir maintenant que toutes les personnes qui participent à ces manifestants-là sont perçues, sont vues comme justement des frères et des sœurs qui défendent la liberté, qui sont pour la liberté, et puis tous les gouvernements comme étant des oligarchies corrompues. Il y a vraiment une image assez claire qui est en train d'émerger de ça. Donc, allez voir ça. Des nouvelles. Ici, un article assez intéressant. Je n'aurai pas le temps de bien rentrer là-dedans, mais vous avez des détails et puis des évidences. C'est important parce qu'on a accusé, justement, on est en train de faire un amalgame de toutes sortes d'informations et puis on est en train de blâmer Kadhafi encore d'avoir été celui responsable de Paname, le vol 103 de Paname à Lockerbie. Alors, on a parlé souvent de Lockerbie, de celui que c'est un avion qui se serait écrasé, frappé par un missile, et puis on a tout le temps accusé Kadhafi d'être responsable de ça. Et après tout, vous avez des enquêteurs qui ont rapporté des évidences qui ont été utilisées pour, si vous voulez, coincer, c'est un genre de setup, ok? C'est un montage finalement pour faire arrêter la mauvaise personne, pour essayer de blâmer la mauvaise personne. Puis, ces évidences-là ont été finalement révélées comme étant fausses. Et évidemment que le terroriste Megrahi a été éventuellement rendu libre. On l'a libéré. Alors, si le suspect libyen a été libéré et qu'il est en fait innocent, bien, ça veut dire aussi que les affirmations comme quoi Kadhafi aurait donné les ordres d'abattre le vol 103 de Paname doivent être aussi une fausse histoire. Alors, Kadhafi, c'est pas un enfant de cœur, là, mais il y a des choses aussi, il faut faire la part du vrai puis du faux, OK? Alors, on est en train de le démoniser, puis justement, de justifier une invasion militaire de la Libye, soit avec l'OTAN ou les forces américaines. Plusieurs manifestations anti-gouvernement là-bas, plusieurs vidéos, vous avez la police qui ont tiré sur des gens dans la rue, des vidéos assez troublantes. Vous avez plusieurs nouvelles ici qui rapportent une quantité de morts assez incroyable. On parle de plusieurs centaines jusqu'à des milliers. On essaie d'utiliser maintenant des histoires fausses, un peu comme on avait fait lors de la première guerre, la tempête du désert en 1991 contre l'Irak, alors que vous aviez des firmes qui s'appelaient des firmes là, de relations publiques professionnelles, okay, on dirait des menteurs professionnels, qui s'appellent Hill & Knowlton, qui avaient mis en place un scénario hollywoodien complètement faux, où on avait accusé les soldats irakiens d'entrer dans les hôpitaux du Koweït et puis de jeter les bébés sur le plancher froid et de voler les incubateurs. Ça avait vraiment fait tout un émoi, causé tout un émoi aux États-Unis, et ça avait fait en sorte que la population avait supporté le gouvernement américain pour partir la guerre contre l'Irak en 1991. Et puis on avait appris par après que c'était complètement faux, de A à Z. Okay? C'était complètement organisé, orchestré par des firmes professionnelles de relations publiques, dont Hill and Knowlton. Et puis là, vous êtes en train d'assister un peu à un remake de ça. Alors qu'on a publié, apparemment, on a parlé à CBS Radio News la semaine passée que on aurait des supporters armés de Muammar Kadhafi qui auraient entré dans les hôpitaux pour tirer sur des démonstrateurs blessés et pour prendre des corps morts et les transporter vers des endroits inconnus. Alors, il y a des histoires comme ça qui roulent et qui ne font pas beaucoup de sens. Il faut vraiment être très critique. Okay? Premièrement, vous avez les États-Unis qui ont décidé d'utiliser la révolution en Libye comme étant une excuse pour rentrer dans le pays, pour prendre contrôle de la place militairement. Et ils ont besoin de toutes les façons possibles pour vendre cette nécessité d'une nouvelle guerre à un public qui est déjà fatigué de la guerre. Et cette histoire d'hôpital, évidemment, ne fait pas grand sens. Et comme je vous disais, semble être un remake de l'histoire des incubateurs volés par les forces irakiennes qui était complètement fausse. Et pense à ça 2 secondes. Est-ce que Kadhafi aurait vraiment le temps et puis les effectifs pour commencer à tirer des gens qui sont déjà blessés dans les hôpitaux? S'ils avaient des quantités illimitées d'hommes et de munitions, peut-être, mais les forces de Kadhafi sont limitées, autant en soldats que d'officiers, que de personnes à sa main. Et puis, ben écoutez, là, vous faites face à une bataille dans les rues avec des milliers de protestants, alors que les gens dans les hôpitaux sont déjà à l'extérieur de l'action, sont complètement hors de l'équation. Ils ne posent aucune menace directe. Alors, personne ne va perdre son temps et des ressources précieuses pour les tuer, spécialement, alors que ces personnes-là sont déjà blessées, hein? Alors, pensez à ça. Il faut rester critique dans toute cette histoire-là, n'est-ce pas? Donc, allez voir ça. Et puis là, on parle aussi de liens avec l'Al-Qaïda. Alors, Osama Bin Laden, qui est mort depuis 9 ans, mais là, on est en train de nous vendre encore une invasion du Liban, nous disant que là, Bin Laden, peut-être que s'y trouverait, essaierait peut-être de faire sauter des pipelines. Et puis, ben écoutez, il y a toutes sortes d'histoires comme ça. On est en train de démoniser vraiment la place. Et puis, Kadhafi, là, on est en train de nous vendre une intervention militaire directe. Vous avez, pour terminer dans ce dossier-là, ben, des intérêts qui expliquent pourquoi les États-Unis aussi aimeraient intervenir. Ben, vous avez ici des leaders de l'opposition libyenne qui ont accusé justement les business américaines et puis les lobbies de faire des affaires avec Kadhafi. Alors, on dit qu'on a des intérêts assez larges, des coalitions d'intérêts qui ont autant rapport aux compagnies pétrolières que des manufacturiers de la défense et puis des lobbies de firmes très bien connectés avec des universitaires néoconservateurs, de Harvard Business School Professors qui ont travaillé dans les années récentes à faire avancer des rapprochements avec le leader libyen, Muammar Kadhafi, pour prendre avantage des opportunités de business dans le pays. Alors, même si ce personnage-là a été depuis très longtemps au niveau international accusé et puis reconnu de répression brutale contre sa propre population, n'est-ce pas? Alors, voilà. Vous avez un autre article ici qui parle justement ça vient du Telegraph aux États-Unis. Alors, on fait part ici de d'autres informations comme quoi que vous avez Hervé Guillou, président de Cassidian Systems. Un système de défense d'aviation européen, un groupe qui justement vend de l'appareillage et puis de l'équipement militaire à ces pays-là. Okay? Puis on dit que les ventes qui sont en plus haute croissance au Moyen-Orient sont dans ces pays-là au Moyen-Orient. Okay? Ce n'est pas ailleurs, c'est dans cette région-là. On dit que les profits ont augmenté énormément et puis on dit même qu'on a fait des achats de 76 milliards de livres sterling pour les États-Unis seulement en 2010. On dit que les acquisitions les plus importantes ont été faites par l'Arabie Saoudite qui ont dépensé plus de 41 milliards de livres sterling sur des F-15, des jets là, de l'armée, et aussi pour mettre à jour sa flotte navale. Donc voilà, donc on est en train de discuter de se préparer aussi pour une invasion du Liban. Vous avez aussi au Liban 46 milliards de réserves estimées de réserves de pétrole. Alors, 46 milliards de barils de pétrole qui sont estimés à être sous le sol au Liban. On a besoin de protéger ce pétrole-là. Hein? Et ben écoutez, même si Obama a maintenant appelé à Kadhafi à quitter le pouvoir et puis le condamner, vous devez comprendre qu'Obama a quand même contribué 400 000 $ à la famille Kadhafi juste l'année dernière. OK? Alors, cela ne devrait pas être une grande surprise de découvrir que les États-Unis, de façon routinière, donnent de l'aide militaire et monétaire à ces dictateurs, incluant Saddam Hussein et Hosni Moubarak. Ça doit être clair dans votre esprit, là, que je veux dire, on tient en place ces régimes-là, n'est-ce pas? Alors, les fanatiques néocons sont en train de préparer une opération pour supporter les positions du Likud et les autres racistes qui aiment la guerre en Israël. Hein? Le pouvoir en place en Israël est extrêmement belligérant. Alors, allez voir ça. Alors, vous avez les compagnies pétrolières qui sont en train de planifier l'évacuation de la Libye. Le pétrole, lui, qui a augmenté à un sommet depuis 28 mois, avec les inquiétudes, justement, qui se passent en Afrique du Nord, en Arabie Saoudite aussi, vous avez eu des manifestations là-bas, avec la Libye aussi. Donc, ça brasse partout. Donc, nous, on va s'arrêter sur ça. C'est tout pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vous salue bien bas. Et puis, faites attention à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! C'était François Marchand pour L'Autre Monde.